Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 21. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi, nous vous y invitons, rejoindre le forum Europe Écologie Les Brins, EELB.SU, je répète, EELB.SU, vous pouvez échanger avec les lecteurs et auditeurs de l'émission, voilà, ou parler de sujets qui très divers, très variés. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous soutenir en faisant des dons par crypto-monnaie, en l'occurrence Monero, qui garantit l'anonymat de la personne qui envoie l'argent, ainsi que le montant et l'identité de celui qui le reçoit. Donc c'est quand même très pratique en ces périodes de censure et de persécution contre les dissidents politiques. Alors, je tenais à citer cette semaine les donateurs qui se sont exprimés par email. Ce sont... pour certains des donateurs récurrents, des donateurs réguliers. Le premier, c'est François. Il nous donne donc l'identification du paiement. Alors, j'ai hâte de voir votre émission du 2 juin, qui, je suppose, parlera des émeutes en cours aux USA. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille l'excellent live de plus de 4 heures de Louder with Crowder, fait samedi soir. Un live aux États-Unis, effectivement, j'ai parcouru ça en biais, c'était pas inintéressant. Donc je remercie beaucoup hein, François pour son don, je crois qu'il nous a donné un Monero, quelque chose comme ça, donc merci à toi François. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer avec un peu de retard environ 70€ au titre du mois d'avril et de mai. D'autre part, je suis ravi que le forum ELB rencontre un franc succès et réunit un nombre croissant d'abonnés et de lecteurs depuis son récent lancement, bien amicalement. Et c'est Jean qu'on connaît et qu'on remercie pour sa fidélité, Jean. Don numéro 3. C'est un don de 0,5 Monero, et c'est Mélas Autocrator qu'on connaît et que l'on remercie pour son soutien. Don numéro 4, c'est Charles qui nous écrit la chose suivante. Je vous ai envoyé 1,01 Monero pour vous encourager. Plusieurs remarques qui pourraient vous être utiles. Pour les dons, la marche à suivre que vous indiquez est complexe. Je vous recommande de rappeler à l'intention de tous les détenteurs de crypto qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Binance ou Binance pour acheter des Monero. On peut utiliser par exemple changenow.io. Donc changenow, c'est change, C-H-A-N-G-E, now, N-O-W.io, changenow.io, qui propose une conversion anonyme de Bitcoin, Ethereum et autres en Monero. Ça marche très bien, j'utilise régulièrement. A priori, ça peut se faire par carte de crédit. Alors là, Je ne connais pas la plateforme, donc si peut-être des auditeurs qui connaissent peuvent s'exprimer, en parler, peut-être en partie informatique sur le forum elb.su, ce serait pas mal. Effectivement, si c'est plus commode, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bah, je crois que Binance, c'est surtout pour acheter des bitcoins, en fait. C'est-à-dire que pour avoir des Monero, tu dois avoir des bitcoins. Enfin, ouais, c'est obligatoire. Une fois que tu as des bitcoins, c'est assez facile d'avoir des Monero, donc oui, ah oui. Des trucs qui, ChangeNow, tu as des wallets là, comment ça s'appelle, Edge, enfin, il y en a d'autres hein, où tu peux switcher assez facilement. C'est pas pour faire du trading, je peux, ils prennent peut-être un petit pourcentage plus haut que les Binance et compagnie, mais c'est assez simple, ils te font pas chier de te demander ton identité, quoi. Bah, c'est bon à savoir. Voilà, alors Charles nous dit bonne chance et vive la France, nous dit-il. Bah, merci à toi, Charles, de ton soutien. Alors, comme vous l'avez entendu, notre ami Derek s'est manifesté. Eh oui. C'est l'occasion pour moi de présenter les membres. Alors, comme Derek est sorti durant le premier, bah, je vais tout de suite commencer par lui. Salut Derek, j'espère que tu vas bien. Je pense que ça va. Oui, ça va, ça va. La petite pause était salutaire pour tout le monde. On a pu, ouais, après le confinement, ouais, bien sûr. Ouais, non, et puis oui, voilà, ça aérait l'esprit. C'est très bien, on est là maintenant, frais et dispo. Tout à fait. J'enchaîne avec Pierrot qui nous fait aussi le plaisir cette semaine d'être parmi nous. Comment va-t-il, Pierrot? Oui, ça va très bien. Ouais, une petite pause qui fait plaisir et puis le temps qui est sympa aussi, donc on se ressource. Tout à fait. Est aussi avec nous cette semaine, MacDav, il nous fait le plaisir de participer, MacDav. Salut MacDav. Bonsoir Gandalf, salut à tous les amis. J'espère que tu vas être vif sur ce qui se passe aux États-Unis, t'auras peut-être des choses à dire, cher MacDav. Écoute, on s'absente une petite semaine et les nègres recommencent à faire les nègres. C'est assez impressionnant, il est temps qu'on discipline tout ça. On leur a manqué peut-être. Tiens. C'est pas impossible. Fulbert est aussi avec nous. Comment vas-tu, Fulbert? Fulbert va bien, merci Gandalf. Bonjour à toi et à tous. Oh, il a un excellent micro, Fulbert, hein, extraordinaire. Alexis aussi est avec nous cette semaine. Salut Alexis. Salut Gandalf, salut tout le monde. Et enfin, vous l'avez entendu rire, c'est Diabolix. Comment va-t-il? Merveilleusement bien. Et compte tenu des événements qui se passent aux États-Unis et aussi en préparation en France et dans toutes les capitales européennes, enfin dans les capitales ouest européennes, je propose un leitmotiv super intéressant: manger un nègre pour sauver un pangolin. Écoute, c'est une proposition qui s'étudie. Alors messieurs, je vous propose de commencer sans transition par la première rubrique de notre émission, c'est courrier des lecteurs. Nous avons un courrier cette semaine intéressant qui nous vient de Malnois, il se reconnaîtra, hein. Il participe au forum aussi d'après ce qu'il nous dit. Alors, je commence ce courrier. Bonjour chers amis démocrates, je vous avais déjà raconté mes aventures désespérantes dans les méandres d'une faculté de médecine parisienne envahie par une splendide imitation de Gandalf, des messages d'information de la ligne 13. Cette fois, je me permets de partager avec vous, dans ce petit courrier, mon expérience kafkaïenne dans un hôpital public parisien, même si je n'aime pas trop ce mot qui fait référence à un sale juif, c'est-à-dire Kafka, hein, c'est pratique pour brouiller les pistes avec les normies. Je devais subir un examen invasif de courte durée en ambulatoire dans un des plus célèbres hôpitaux de la rive gauche parisienne. Connaissant le milieu hospitalier de l'intérieur, je sais quel calvaire c'est pour les patients de prendre rendez-vous en étant confrontés à l'amabilité du personnel de l'AP, de l'assistance publique. Heureusement, de par ma profession, j'ai pu avoir une convocation pour cet examen assez facilement. De nature prévoyante, j'ai bien suivi les consignes de pré-admission. Non, c'est bien pré-admission. Et là, attention au bureaucratisme soviétique. Il faut passer par un site internet reconnu comme malveillant par 3 navigateurs différents, braver les mises en garde de sécurité et uploader pas moins de 4 documents administratifs et remplir des fiches. Bref, je me soustrais à ce devoir citoyen la veille de mon examen. Le jour de ce dernier, personne à l'accueil de l'hôpital pour m'indiquer la marche à suivre, récupérer mes étiquettes, etc. Aux caisses, l'accueil glacial, il insiste, d'une connasse antillaise ménopausée. Y a personne à l'accueil? Non, madame, sinon je leur aurais demandé. À contre-cœur, elle finit par m'indiquer la direction du bâtiment où je dois me rendre. Je tâtonne, vu la qualité du balisage dans le dit hôpital, pourtant loin d'être le plus sinistre de l'APHP. J'arrive à l'endroit que je présume le bon. Là encore, accueil par une aide-soignante africaine dont les grands yeux écarquillés révèlent le QI, juste au-dessus du retard mental, 70 pour mémoire. Vous avez fait l'admission, monsieur ? Les étiquettes, elles sont où, là ? Non, puisque j'ai tout fait en ligne au préalable, madame. Rien à faire. La négresse ne veut rien savoir et m'envoie aux admissions. Donc, retour à la case départ. Et là, les amis, vous allez croire que j'exagère, mais j'arrive au bureau des admissions, un espace miteux, exigu et infect, aux cloisons de plexiglas, où un demeuré obèse et métis créole, aux cheveux crépus dégoûtants, me reçoit, avec une mollesse et une nonchalance invraisemblables. Ses deux collègues occupant les espaces contigus hurlent, avec un accent antillais à couper au couteau. « Michael ! Je t'avais pas vu, sinon je t'aurais apporté un petit café. Tranquille, pour l'instant, la journée. Pourvu que ça dure, hein ? Non, on n'a pas trop de monde, ça va, ça va. » Et l'ambiance, quoi, très, très nonchalante, quoi. Mais mon récit ne s'arrête pas là. Le demi-mongolien semble ne pas trouver les documents uploadés la veille parce que c'est trop tard, monsieur, il faut le faire 48 heures à l'avance. Il me demande la feuille de pré-admission. Sceptique, je retourne voir l'aide-soignante marron, donc l'Africaine du début, hein. Celle-ci ignore tout de ce document. Je lui demande donc de m'accompagner aux admissions. Troisième aller-retour. Finalement, celle-ci remplira très consciencieusement et soigneusement, c'est à peine si elle sait lire et écrire, le pré-document que j'amène ensuite à Michael, le gros porc crépu des admissions, afin d'obtenir enfin le Graal, à savoir mes maudites étiquettes. Et je garde le meilleur pour la fin. Qui est venu me chercher en salle d'attente ? Une infirmière ? Antilles ! Bonjour, je suis Cindy, l'infirmière en charge. C'est moi qui vais vous accompagner pour votre examen. Cependant, camarade, je vous rassure, ce dernier a été pratiqué par le médecin qui était une femme blanche avec un patronyme au-dessus de tout soupçon et réellement professionnel pour le coup. Si vous pensez que j'exagère quant au remplacement du personnel paramédical par la diaspora antillaise, je vous invite à taper sur un moteur de recherche APHP antillais. Et vous pourrez tomber sur un lien comme celui dont je laisse le contenu ici. Alors effectivement, on arrive sur grève des hôpitaux antillais, les antillais tirent la sonne d'alarme. Bon, c'est un truc dans France Info, il y a de la matière. J'espère que cette présence des îles jusqu'au tréfond des hôpitaux publics fera chaud au cœur de Diabolix. Je vous remercie pour la patiente lecture de mon courrier. Je tiens à envoyer un bonjour aux personnes que j'ai pu amener écouter l'émission, qui se reconnaîtront, je l'espère. Une administrée nucléariste de Rachida, D est une écofasciste prometteuse. Bravo encore pour le forum qui est toujours extrêmement plaisant à parcourir. Fouillez courtois et bisous aux journalistes de Libération payés pour écouter l'émission. Semper Fidelis. Et c'est donc Malnois qui nous écrit. Alors messieurs, bon, comme tout le temps, hein, on découvre un petit peu des aspects un peu méconnus de la société française, hein, même si les infirmières antillaises sont quand même assez réputées. Hein, On commence à le savoir, là, quand même, effectivement. C'est vrai que, pour le coup, on note quand même une disparition de la diversité. Oui. Puisque tout le monde est entier, à part la doctoresse. Tout le monde est de l'accueil, les infirmières, etc. Un petit côté colonie, là, quand même. Hein. Il manque un petit peu de Rome. Un petit côté Rassemblement National, hein. Un petit côté Marine Le Pen. C'est pas faux. C'est pas faux. Marine Le Pen serait pas dépaysée. Hein. Ah non, je pense que... C'est peut-être pour ça. Elle a dû traîner ses guêtres dans les hôpitaux après avoir pris des substances un petit peu bizarres. Et, comme a-t-il dit ? À Miami avec tous les Antillais. Oui, tous les Antillais qui étaient. Quoi. Tu parles de... Je crois qu'actuellement, elle est... Dans sa piscine, c'est ça ? Elle était aussi tombée dans sa piscine vide. Ah oui. En faisant Dieu sait quoi. Voilà. Bon. Du bricolage. Totalement safe. Oui, voilà. Ouais. Du bricolage à jeun, dimanche matin. Pierrot, qu'est-ce que tu voulais dire, Pierrot ? Non, je veux juste dire qu'en ce moment, je crois qu'il est occupé à regarder ses chats à l'Assemblée nationale. Oui. Je crois que c'est sa passion du moment. Voilà. Oui, oui, non, ah oui, c'est pas vu ça, excellent. Ouais, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Pour nos auditeurs qui savent pas, c'est sur son compte Facebook. Marine Le Pen poste en direct de l'Assemblée nationale, quoi. Donc elle est assise à son siège de députée, quoi, dans l'hémicycle. Elle prend une photo avec son smartphone qu'elle upload sur sa page Facebook et elle dit : « Je vous rassure, je continuais à surveiller mes chatons. Les chatons vont bien, etc. » Et effectivement, elle met une photo de son ordinateur. posée sur sa table à l'hémicycle, où on voit en direct la caméra à son domicile, où on voit une caisse avec des chats. Donc, c'est bien, surtout que la France va bien, hein, de savoir que les députés, spécialement ceux du Rassemblement National, et dont sa présidente, hein, rien de moins, est débordée. Le camp national est rassuré. Oui, on oui. sent que la France est entre de bonnes mains. Elle a l'air très concernée par les problèmes des Français. Ouais. Oui, quand c'est elle ça. Perd une élection présidentielle, bah, elle picole puis elle danse. Bon. Elle danse. Okay. Quand elle va au salon de l'agriculture, le plus grand moment, c'est quand elle est dans la partie du salon consacrée aux Antilles, et plus particulièrement effectivement aux producteurs de rhum. Hein, et on l'a vu hein, danser avec un petit ponche, avec un Antillais. Les gens qui s'affichent avec des chats apparaissent sympathiques. C'est souvent ça. Il y a une sorte d'inconscient. Je ne sais pas si c'est travaillé, mais non, je crois pas. Non. Elle est branchée chat. C'est une femme à chat. Elle avait fait des posts pour dire que c'était scandaleux qu'elle pouvait pas voyager avec son chat. Oui. Ouais, ça vient de très loin, ça. Ouais. C'était quand ça qu'elle avait posté ça? Enfin bon, c'était l'année dernière, je crois. Les vacances dernières. Ouais, Marine Le Pen, c'est qu'on n'avait pas entendu qu'elle avait complètement disparu des radars pendant au moins un an, parce qu'après après 2007, elle a pris des vacances pendant un an, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Et donc, on la voyait jamais. Elle se manifeste, tout d'un coup, elle pète une pile, parce qu'à la douane, à reçu Charles de Gaulle, on lui a refusé, je sais pas quoi, de mettre son chat dans une boîte, je sais pas. Enfin bon. En même temps, j'ai envie de te dire, vu qu'aux dernières élections présidentielles, le parti animaliste a fait plus que les souverainistes qui sont anti-euro, j'ai envie de te dire, quelque part, effectivement, électoralement, ça pourrait être payant. Le problème, c'est que je pense qu'elle est sincère, c'est réellement une vieille achat. Oui. Donc c'est le vrai problème, il est là. C'est pas ça dans une pure optique de propagande. Non. C'est une vieille achat alcoolique, alcoolo-tabagique. Il faut reprendre ce terme et le populariser au maximum. Pour revenir au courrier de notre auditeur. Hein. Oui, au merveilleux monde des hôpitaux. Hein. Attendez, parce qu'il faut le rappeler, ouais. Ce sont les gens que nous devons applaudir, hein, ceux qui l'auraient oublié. Hein, Voilà, effectivement, j'allais noter ça, hein, c'est les gens, les animaux que nous devons applaudir. Je suis pas d'accord, permets-moi de t'arrêter quand même, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que, puisqu'on parlait de Marine Le Pen et du Rassemblement National, ils insistent beaucoup sur ce point, et ils ont raison, les Antillais ne sont pas des animaux, ce sont nos compatriotes, et je veux le rappeler, ils étaient français avant les Niçois, d'accord? Donc, oui, c'est exact. Voilà, il faut que ça soit rappelé. Et petit point donc sur lequel a insisté hein, notre auditeur, il a parlé du bureaucratisme soviétique. Je pense que le bureaucratisme soviétique s'est probablement inspiré du bureaucratisme français. Oui, pas l'inverse. Oui. C'est comme quand on parle de la décadence américaine en général, ça vient beaucoup de France ces merdes-là. Hein. Penses à un truc en particulier? Bah, les philosophes, les Sartre et compagnie, les Foucault, etc., ça fait boomerang, hein, c'est parti là-bas, fait, ça revient dans la gueule. Hein. C'est ça, c'est vrai. Donc le bureaucratisme soviétique, c'est français, je pense. Hein. Foucault qui est mort du sida, il faut quand même le rappeler. Oui, bien sûr. Mais il faut le rappeler, je veux dire, il est mort parce qu'il a contracté le sida par l'anus, c'est important de le dire. Oui, ça fait, donc c'est un dégénéré, donc... Hein. Pour en revenir à notre administration, on voit là l'absurde. Hein, l'absurde, c'est-à-dire qu'on crée des. Déjà, le truc non sécurisé, hein, c'est un site internet qui a dû être fait par une boîte israélienne avec les pieds, parce qu'ils savent comment avoir les marchés publics, hein, ils ont le nez qui traîne partout. Donc, ils ont fait une espèce de machin non sécurisé, bien merdique. Sur lequel tu vas charger tes documents administratifs, donc c'est sympa. Je pense que c'est pas perdu pour tout le monde non plus ces documents-là. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, là, le jeu de ping-pong, hein, le jeu de tennis de table. Hein, Pierrot, oui, oui, oui. Moi, sommes des fans de tennis de table, mais là, en l'occurrence, pas trop. Puisque tu es baladé d'un nègre à l'autre. Ouais, ouais. Oui, avec le document de pré-admission. C'est même pas le document d'admission. Oui, le pré-admission, d'admission, de se faire, c'est pas trop, enfin, des papiers de merde. Hein, c'est pas. Bon, ces trucs-là sont inutiles au possible. Hein. C'est tout pourrait être fait en ligne sur des sites bien faits. Je crois que ça se fait dans des. Je ne sais plus quel pays balte qui est quasiment tout passé sur l'administration en numérique. Ça se passe merveilleusement bien. Hein. Mais non, en France, quand le blanc, il arrive, il doit servir de balle de ping-pong à des nègres. Hein. Bah, en fait, ce que tu dis, c'est très simple. Ils sont payés pour jouer avec toi, ces cons de nègres. C'est-à-dire que tu payes tes impôts, tu vois. Ouais. Tu les applaudis. Tu vas perdre ton boulot parce qu'il fallait sauver des vieux d'un rhume. Et en plus, eux, ils sont. Non, eux, pas de problème. L'emploi garanti, ils sont payés. Il n'y a pas de souci. Bon. Où est la porte pour sortir de l'Asie hein. J'en peux plus. Hein. Ouais, l'asile, comme tu dis, Derek. Hein. C'est-à-dire que le sketch d'Astérix avec la maison de fou, eh ben, en fait, la France, on a fait une réalité, nous. Hein. Ils cherchent le laisser-passer à 38. Ouais, exactement. Ah, non, mais c'est le sketch des inconnus, vous savez. Marie-Thérèse. Avec Marie-Thérèse. Non, mais je veux dire, le sketch, il a 30 ans. Le problème, c'est que c'est la réalité partout, quoi, maintenant, quoi. Bon, en tout cas en Île-de-France, hein, en tout cas, parce que la diaspora antillaise est essentiellement localisée sur l'Île-de-France, pas uniquement, mais quand même très fortement centrée sur l'Île-de-France. Donc, on les retrouve partout. Hein. Ils sont dans la police, ils sont chez les perlanges, vous savez, là. Celles qui vous mettent des amendes, là. Alors ça, il y en a partout. La RATP. Ouais, non, c'est... Voilà. Et donc aussi... L'armée. L'armée, je sais pas. Peut-être dans certains services, mais... Ah, si, ils n'ont pas beaucoup de perspectives économiques, tu vois, donc du coup, ils se réfugient un peu vers l'armée sur leur île de mer, tu vois, ils n'ont rien à foutre, donc ils disent, bon, je fais un peu l'armée, et puis... Ouais, ceux qui arrivent à briller un peu, c'est ceux qui font du sport. Voilà, qui... Teddy Riner. En tout cas, ceux qui s'inquiètent du système médical et du système informatique, du lien entre les deux, hein, l'existence de nombreux faux comptes de sécurité sociale, de cartes vitales, qui permettent d'avoir... Un enjeu de fraude de 30 milliards par an, en tout cas, bravo. Sachez que vous êtes bien géré sur le plan informatique. Hein. Oui, bah justement, oui, il y a une enquête parlementaire sur cette affaire-là. Je crois qu'elle est notamment menée par Valérie Boyer, la députée Les Républicains. Là. Elle essaye, avec beaucoup de difficultés, de réaliser un audit de la situation, c'est-à-dire de la situation budgétaire, financière, des dépenses du ministère de la Santé, savoir où va l'argent, en gros. Et elle a assez bien exprimé ces derniers mois, donc au fur et à mesure qu'elle mène son travail parlementaire, c'est une véritable chape de plomb. Et elle a résumé ça comme ça en disant, bah, en substance, on ne peut pas savoir comment est dépensé l'argent. On ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que quand une députée, bon, à la tête d'une commission parlementaire, est mandatée par le Parlement français pour aller se renseigner, pour voir comment est dépensé l'argent des contribuables, et ben, on leur dit d'aller se faire foutre. Et ça ne suscite aucune... Alors, on touche à Dieu, hein. Ouais, enfin, c'est surtout que, déjà, si vous voulez, ça révèle quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que... comme matin, midi et soir, on reste mousseriné avec la République, comment dire, la démocratie, la souveraineté du peuple, et tout ça. Ça, c'est des mots creux. Parce que, factuellement, quand vous avez une députée qui fait pour le coup son travail et qui veut savoir comment est dépensé l'argent des contribuables français, les administrations concernées leur disent tout simplement « allez vous faire voir ailleurs ». Et il n'y a pas moyen de les forcer à répondre, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc ce que dit Alexis là par rapport aux dépenses, je crois que ça vient de Charles Pratt, je crois, enfin en tout cas Monsieur Pratt, qui est un ancien magistrat et qui est spécialiste un peu de ces questions-là et qui a donné des chiffres justement sur la fraude, des chiffres qui sont quand même assez effrayants. Alors le nombre des cartes vitales, il y a nombre d'assurés fictifs, les... enfin, c'est ahurissant. Les, les millions de centenaires vivants. Ouais. Voilà, dont un énorme Algérie. Sur... 2 millions de fausses cartes vitales et 44 milliards par an de... Enfin, c'est le tonneau des Danaïdes. Quoi. Oui, ouais, alors, une petite sans précision. Compter, une chose, c'est que... Attends, MacDav, il faut que tu laisses parler Alexis, ensuite tu peux... Oui, en j'ai... Une toute petite chose, c'est ceux qui n'auraient pas entendu, c'est que donc pourquoi est-ce qu'il y a plus de cartes vitales et donc de remboursements que de gens? Parce que depuis 15 ans à peu près, enfin depuis même Jospin, donc depuis je crois 20 ans, quand il était Premier ministre, il est possible d'avoir une carte vitale à partir d'une photocopie de carte d'identité, ce qui fait qu'il y a des gens, des petits malins, qui ont créé des fausses identités avec des documents. C'est ça la base du truc, hein, vous pouvez vérifier. Donc après... Il y a des gens qui ont donc, bah, ils sont une seule personne, ils peuvent se dire français de papier, etc., d'origine algérienne, né en Algérie, ils peuvent se dire irakien handicapé. Enfin, il y a eu des procès comme ça avec des gens qui avaient créé des nationalités complètement folles. Alors, parce que, évidemment, c'était en général des faciès plutôt, on va dire, entre guillemets, vraiment du sud, hein, si ce n'est, soit maghrébin, etc. Bon. Mais, et comme ça, il y a eu des gens, voilà, qui ont eu plusieurs remboursements, alors qu'ils n'ont par définition qu'une seule identité, quoi. Et puis des gens également qui n'ont pas déclaré leur décès. Enfin, des familles qui n'ont pas déclaré, puisqu'il n'est pas possible de déclarer son propre décès, bien sûr, mais les familles qui n'ont pas fait parvenir le décès de leurs proches. Donc, ils continuent à toucher des prestations et compagnie. Oui, tout à fait. Non, mais c'est photocopie de carte d'identité de nègre. Ah ouais, ça suffit, ouais. Et alors, en plus, comme tous les nègres se ressemblent. C'est là, bon. tu prends une, tu fous un mégot dessus, et voilà, ça te... Non, mais je veux dire, avec une tête de nègre, tu peux délivrer des cartes vitales à la totalité du Gabon, hein. Je veux dire, c'est... Ah oui, hein. Bah, c'est ce qu'on fait, ça tombe bien. Oui, c'est ce qu'on fait, oui. Valérie Boyer, dont tu parlais, a demandé, je crois, au Parlement, hein, à l'Assemblée, avait pris la parole là-dessus il y a quelques années, puis, donc après, ça avait fait un petit peu son bonhomme de chemin, puis le ministre en charge de ça avait dit oui, on a vérifié les dossiers, on en a vérifié 500. 500 sur toute la France. Non, mais ils assument totalement de se foutre de la gueule de gens, hein, pratiquement. Hein. Non, mais ça, il faut méditer là-dessus, parce que les mecs disent on n'a pas de moyens, etc. Non, attendez, il y a énormément de pognon qui est consacré à la santé en France, mais visiblement, et là je suis d'accord, ça n'arrive pas dans les hôpitaux pour soigner les gens. En tout cas, pas la totalité des sommes. Donc l'argent va bien quelque part. Et là, vous découvrez effectivement qu'on est en train d'engraisser des centaines de milliers de fonctionnaires à rien foutre dans des bureaux, et qui sont pour l'essentiel des Antillais. Donc en fait, ce sont des jobs bidons, hein, et qui servent en fait à éponger, à occuper ces créatures qu'on importe, quoi. Magda voulait dire un truc. Oui, il y a un truc très bête que tu fais dans tous les hôpitaux si tu veux faire un audit financier. C'est parce que les hôpitaux sont très souvent déficitaires, parce que faut bien vous dire que tous, il y a quand même des comptables dans les hôpitaux, mais les comptables ne servent pas à grand chose, parce que quand des Algériens qui n'ont pas de passeport français, qui n'ont pas de carte d'identité française, ça existe, viennent se faire soigner en France, ils repartent sans payer. Parce qu'effectivement, on les soigne gratuitement. Et ce qui se passe, c'est que l'État français rembourse tout ça. Donc en faisant un audit très rapide des hôpitaux, tu te rendrais très rapidement compte que les Français passent leur temps à soigner des étrangers et qu'en fait, ça ne rentre même pas en compte dans les chiffres de l'AME. C'est hors cadre. Et ça, t'as pas besoin d'être expert comptable pour le savoir. C'est quelque chose qui va s'annoncer très rapidement à partir du moment où tu commences à foutre ton nez dans les comptes des hôpitaux. Tu vas te rendre compte en à peu près 24 heures. Donc effectivement, c'est pas bon de le faire connaître aux Français. Parce que c'est pas un milliard de l'AME, c'est beaucoup plus. Mmh. Bien, bien plus. Ouais. Bah il montrait là, il y a quelques mois des charters de géorgiens qui venaient en France rien que pour ça. C'est-à-dire les types ils étaient pourris de toutes parts, et des cancers, etc. Et les types ils arrivent, quoi, bon, allez, anticancéreux, chimio, etc. Ah ouais, ils sont pris en charge. Ah ouais. Mais à quel titre comment il bah, à quel titre, humanité, machin, tout ça, quoi. Salut, quoi. En matière d'hôpitaux, il y a quelque chose à dire aussi. Tu parlais de Charles Pratt. Il a fait une émission il n'y a pas longtemps là, sur le Covid et tout ça. Et vu que donc il est magistrat, donc spécialiste de ces questions, on lui a interrogé sur les masques. Alors moi, type personnel, ou comme d'autres médecins, je pense que le masque sert peut-être à protéger les autres, mais certainement pas à se protéger soi-même. Donc bon, moi, je ne considère pas que ce soit quelque chose de si essentiel que ça, mais vous savez qu'il n'y avait pas eu de masque ou que les masques étaient périmés et que l'usine de masques dans les Côtes d'Armor avait fermé, etc. Mais Pratt a dit, si il est prouvé que les masques étaient périmés et que c'est quand même considéré officiellement comme quelque chose de capital pour un pays d'avoir des masques de protection. Donc si jamais c'est bien vrai qu'ils étaient périmés et qu'il n'y en avait pas disponible pour la population, ça peut être un argument sur le plan juridique pour attaquer le gouvernement. Bon, je sais que bien sûr il y aura des résistances et des juges rouges qui vont certainement épargner nos chers gouvernants. Mais en tout cas, il y aurait peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Alors moi, je tiens quand même à tempérer un petit peu tes allants procéduriers. Tu seras peut-être atteint de quérulence, je ne sais pas. Bernard-Henri Lévy, qui parle aussi au nom d'une communauté qui, parfois, est atteinte de quérulence, a dit que ceux qui voulaient déposer plainte contre le gouvernement étaient autant de poseurs de bombes. Ah oui, c'est vrai que c'est temps pour moi. Vous êtes des terroristes, messieurs. Donc, méfie-toi, tu es à deux doigts de l'apologie du terrorisme. Il faut se rappeler que les juifs prient toutes les semaines pour la République. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les semaines, mais en tout cas, de manière régulière. En tout cas, souvent. Oui, très souvent. Hein. Ils savent à qui... Eh oui. La valeur de la République. Hein. Oui. Non mais franchement, quand Derek dit ça, c'est pas des conneries. Hein, vous pouvez, enfin c'est très public. Hein, je veux dire ça, c'est très public. Hein. Vous allez sur le site du Consistoire israélite. Je pense que même vous pouvez même trouver le texte. Mais oui, il y a une prière pour la République régulièrement dite dans les temples du démon. Alors, messieurs, quelque chose d'autre sur notre hôpital public, nos héros? Oui. En fait, tu peux remarquer que tous les hôpitaux publics français sont complètement envahis par les Antillais. Alors, pourquoi ? Ben, simplement parce que les Réunionnais, eux, sont plus attachés au côté pognon de la chose, donc ils vont jouer aux infirmiers, mais au Canada. Ah d'accord, donc des spécialités géographiques. Donc, et pourquoi ? Mais, oui, il y a une raison ou quoi ? Enfin, parce que... Bien franchement, je me l'explique pas, mais c'est un fait. D'accord. Bon, écoutez, on aura su une petite spécialité. En tout cas, j'applaudis hein, les Antillais, donc qui nous ont sauvés hein, de la peste noire. Enfin, jusqu'à ce qu'elle revienne, hein, parce qu'elle devrait pas tarder à revenir. Mois de septembre, je pense qu'on est bon. Mais tu veux dire que la peste noire va nous sauver de la peste noire, c'est ça? Ah, pas mal. Là, tu me poses une colle. C'était Jérôme Salomon, hein, l'expression de Jérôme Salomon qui comparait le Covid effectivement à la peste noire. Oui, c'est pas moi qui enfin si je m'en amuse, j'en rigole, j'ironise, mais effectivement Jérôme Salomon a comparé, comme tu le dis très bien, le Covid-19 à la peste noire. Et il a dit que c'était aussi. Mais c'est tout à fait normal, Gandalf. Salomon, on sait d'où ça vient. Ah oui. Il suffit de regarder certains documents d'époque sur la peste noire que l'on prêtait à certaines personnes, pas uniquement aux puces des rats. Intéressant. Il faudrait que je lise quelques ouvrages sur le sujet. Mais... Alors, messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant. On remercie Malnois de nous avoir éclairé de son expérience dans cet hôpital parisien. Rubrique numéro 2, autisme radical, et c'est très radical, je dois le dire. Nous allons parler un peu de la papauté, nous allons parler du chef spirituel de l'Occident, en la personne du pape François. Pape François qui, vous le savez, est quelqu'un qui est à l'avant-garde des consciences. Et voici ce texte, cet article, cité par The Tablet. C'est une publication britannique qui nous fait l'écho en fait d'un geste récent du pape à l'égard de ses ouailles, et vous allez voir que c'est très touchant. Alors je lis, hein. La semaine dernière, le pape a envoyé de l'argent à une petite communauté de transsexuels vivant à Torvaianica, dans le centre de l'Italie, selon les médias locaux et internationaux. La communauté, dont beaucoup sont des prostituées, a connu des moments difficiles en raison de la perturbation de l'épidémie de coronavirus et a demandé l'aide financière de son curé local, le père Andrea Conocci. Le père Conocci, curé de la paroisse de la Sainte Vierge de l'Immaculée, a fourni à ce groupe de 20 personnes des colis alimentaires de Caritas, l'organisation caritative catholique, mais n'a pas pu apporter une aide supplémentaire en raison de la situation financière difficile de sa paroisse. Il a conseillé à la communauté de demander l'aide directement au pape. Dès réception de la demande, le pape a demandé à son aumônier, le cardinal Konrad Krajewski, de transférer l'argent directement au groupe. Krajewski a reçu le surnom de cardinal Robin des Bois pour son soutien aux migrants et autres personnes marginalisées en Italie. En mai dernier, Krajewski s'est attiré les critiques du vice-premier ministre italien après avoir remis en service l'électricité d'un refuge pour migrants à Rome. Plus récemment, le cardinal, nommé aumônier papal en 2013, a visité des congrégations religieuses souffrant sous l'impact du coronavirus. Par l'intermédiaire de Krajewski, la communauté trans a envoyé des messages audio au pape. Merci beaucoup au pape François, que Dieu vous bénisse, merci pour tout, mille bénédictions, que la Vierge vous protège. S'adressant au quotidien italien Il Fatto Quotidiano, le père Conocci a déclaré que de nombreux membres, de la communauté transgenre sont originaires d'Amérique du Sud et sont des fans du pape actuel. Bien que la plupart ne soient pas catholiques, plusieurs d'entre eux ont demandé aux prêtres de bénir leurs objets et de prier avec eux. Putain. S'adressant à Reuters, le cardinal Krajewski a souligné que les membres de la communauté étaient très probablement des sans-papiers, les coupant du soutien de l'État pendant la période de fermeture. L'Italie a l'une des plus fortes populations de sans-papiers en Europe, certains experts estimant le nombre total de résidents dans le pays à plus d'un demi-million. « Tout est fermé », a poursuivi Krajewski, 56 ans. « Ils n'ont pas de ressources, ils sont allés voir le pasteur. Ils n'auraient pas pu aller voir un politicien ou un parlementaire, et le pasteur est venu nous voir. » Envoyer de l'aide à la communauté, c'était simplement suivre l'évangile, a souligné Krajewski. C'était, a-t-il dit, ce que Jésus aurait fait. Jésus, amateur donc de prostituées transsexuelles, bénissant donc les objets des transsexuels en question. Les objets. Alors donc, en fait, la papauté est désormais une espèce de... Enfin, assure, comment dirais-je, le financement du chômage partiel, hein, donc des transsexuels qui sont dans le besoin. C'est intéressant, ils n'ont pas de clients, donc ils ne peuvent pas tapiner. Donc, hop, l'Église catholique surgit en la personne, rien moins que, hein, du pape François qui, une nouvelle fois, a conscience des enjeux du XXIe siècle. Qui veut réagir à ce magnifique moment de progrès ? Moi. Ah, vas-y, Diabolix. Quand je pense que Benito Mussolini a rendu des avantages au Vatican qu'ils avaient perdus, quand je vois ce que le Vatican est en train de devenir, c'est à vomir. Oui, c'est sûr. Enfin, encore que, hein, je veux dire... Je pense qu'il n'est pas en train de devenir, là. Il y est, quoi, il est. En plein dedans. Hein. Ah, oui, il arrive toujours à nous surprendre. Hein. Oui, puis c'est de la fausse charité, là, parce que pour le coup, c'est... Pardonnez-moi le jeu de mots, mais là, pour le coup, ils prêchent pour leur paroisse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ils s'intéressent aux transsexuels parce que c'est d'abord les premiers consommateurs, et, enfin, voilà, ils sont de la même tribu, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas vraiment désintéressé, quoi, vous voyez. Parce que des pauvres en Italie, on en trouve tant qu'on veut, hein, c'est pas le problème, hein, mais c'est ces gens-là, hein, qui intéressent le pape, hein. Avis, Pas sûr. Là, il arrive à me surprendre, enfin, entre guillemets, parce que le côté transsexuel, j'avais pas encore vu. On sait qu'il avait rencontré Greta Thunberg, qu'il avait fait ériger un monument à la gloire des migrants, qu'il avait condamné Trump parce qu'il voulait faire un mur, disant qu'il fallait construire des ponts entre les gens. Enfin, il y a une longue, longue liste. On a du mal à s'actualiser. Il avait invité aussi les musulmans à lire le Coran. les chrétiens à lire le Coran plutôt. Non, il s'adressait à des migrants clandestins, et alors donc on pourrait se dire que donc il avait pris la parole et ça. Et il leur avait pas parlé de Jésus, hein, il leur a dit non, il faut que vous lisiez le Coran. Ouais, formidable. Oui, c'est normal, je veux dire, pour le chef de l'Église apostolique romaine, il est essentiel de conforter les nouveaux migrants dans leur religion. N'a même plus l'idée de convertir les nègres. Bah non, mais attends. Même ça, si tu veux. Bergoglio a dit. Attendez, Bergoglio a dit explicitement que le prosélytisme, le fait de répandre la foi chrétienne, était offensant et stupide. Et ce n'est pas comprendre ce que c'était le fait d'être chrétien. Donc c'est quand même dommage, parce que finalement Jésus aurait pu s'épargner beaucoup de difficultés en s'abstenant en fait de tout apostolat en fait. Hein. Bon, mais bon. Mais je vois pas la difficulté d'envoyer des missionnaires, excusez-moi, à travers le monde du coup. Ça sert à rien de convertir les gens pour chier quoi en fait. Je suis d'accord. C'est une erreur. C'est comme la chanson qu'on va tous au paradis et puis c'est réglé quoi. Donc, ouais. C'est ça. Et pour les antifa, le pape François est toujours la continuation de la Sainte Inquisition, quoi. Inquisition romaine, hein, qui torture, etc. Ils n'ont toujours pas fait évoluer le logiciel. Bah, sur le rapport à l'homosexualité en particulier, je rappelle une histoire, bon, si on avait parlé une fois, mais alors Francesca Pardi, donc une Italienne également, mariée entre guillemets à une personne du même sexe, à une autre femme, avait écrit un livre qui s'appelle Pourquoi tu as deux mamans. Et a écrit une lettre au pape François pour lui présenter ce livre. Et le pape François a reçu cette lettre, elle a lu et lui a répondu une lettre d'encouragement. Elle lui a envoyé sa bénédiction, je cite, et a écrit notamment, j'ai l'article sous les yeux là, il lui souhaite une activité toujours plus fructueuse au service des jeunes générations et de la diffusion des authentiques valeurs humaines et chrétiennes. De mieux en mieux. Alors, c'était en 2015, mais il progresse chaque jour. Donc là, et bon, alors ça, c'est une de mes petites marottes. Je ne vais pas faire dériver la discussion là-dessus, mais il a appelé aussi au partage du vaccin mondial contre le coronavirus. Quel beau geste. Ah, il fallait un peu d'obéite quand même sur ce vaccin. Il pousse aussi le bouchon. Il est allé trouver les mitropolites orthodoxes. Alors, il pousse le bouchon Grèce, avec quoi ? En Bulgarie, en Roumanie, un petit peu partout. Le but étant qu'il tient absolument à ce que la fête de Pâques orthodoxe soit calée sur la fête de Pâques de Rome, et il faut nécessairement que les écrits soient transcrits de la même manière, parce que quand même il faut une unification de l'Église chrétienne. Oui, ça risque d'être compliqué quand même. Malheureusement, c'est dû une tare philosophique, hein, c'est pas juste humaine liée à François, c'est malheureusement assez répandu chez les modernistes. Monseigneur Lefebvre disait que le modernisme, en fait, c'est une sorte de syncrétisme religieux, c'est-à-dire que le pape François voit Dieu partout dans toutes les religions. C'est ça d'ailleurs qu'il s'exprime comme ça aux migrants musulmans, il leur dit bah, écoutez, lisez le Coran parce que finalement on a le même Dieu. C'est une grosse connerie. Bon, bah, c'est malheureusement pas nouveau, mais bon, il commence à cumuler un peu, François, là. Hein. Je sais pas à quel point ça va s'arrêter, c'est pas, mais. Bah, ça s'arrêtera biologiquement, je crois que c'est. Oui, clair. Voilà, c'est ça. Je crois aussi, hein, y a pas de retour. Hein. C'est marrant, tout à l'heure, Alexis, tu disais que les antifa croient que le pape François représente l'aile conservatrice et purement doctrinale du catholicisme. Mais moi j'ai une discussion il y a pas si longtemps que ça avec une nana lambda. Elle m'a assuré que le pape François, et c'était pas une antifa, hein, c'était vraiment une normie, effectivement était beaucoup trop conservateur. Donc si j'hallucine complètement là. Non mais c'est ça. Nos les femmes blanches sont folles, hein. Je ne suis pas forcément très pro-catholique. Mais ça m'a fait vraiment bizarre de lui expliquer que non, le pape catholique n'était pas ce qu'il faisait le plus à droite dans l'église. J'ai dû lui commencer à parler de trucs. Bon, c'est une gonzesse, ça sert à rien de parler avec elle. Parce que les femmes ont généralement une conscience politique très, très, très limitée. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que pour beaucoup de normies qui sont totalement sorties du catholicisme, le pape François, c'est l'Inquisition, effectivement. C'est Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils sont restés sur le logiciel anticlérical de mai 68, en fait. Hein. Ils ont tous suivi. Je pense qu'ils ont bouffé ça de la part de leurs parents, puis ils ont recraché, voilà. Parce que c'est pas des... Les antifa, par exemple, c'est pas des gens qui pensent. Hein. Les femmes non plus, tu me diras. Mais bon, ça, c'est une doctrine personnelle. Hein. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à cette histoire, vu que je suis le représentant officiel du lobby catholique, hein. Bon, déjà, le Krajowski en question, là, il est connu, c'est un rouge. Hein. C'est un rouge de chez rouge. Hein. Mais il n'est pas polonais, il a un nom polonais, il vient d'où, lui? Non, il est polonais. Hein. Il est polonais, polonais. En Pierrot, par contre, ouais. est-ce que tu pourrais m'éclaircir un petit peu, m'éclaircir, je suis déjà très blanc. Krajewski, moi je vois trois lettres qui m'interpellent. Ça se prononce Krajewski, je crois, j'en suis quasiment sûr. Et effectivement, Krajewski, si on lit à la française, J-E-W, c'est intéressant. Juif, hein. Est-ce que ce J-E-W a un rapport avec les juifs en anglais ou pas du tout? Non, je pense pas. Il a pas une tête de feu, je pense que c'est juste. Non, c'est un nom typiquement polonais pour le coup. Bon, après, on sait pas, mais. D'accord. Enfin voilà, en tout cas intéressant de voir à quel point le denier du culte, il sert quoi. C'est-à-dire que, comme l'a dit Gandalf, alors sur le papier, l'Italie c'est un pays riche, hein, d'accord, comme la France aussi, hein, mais il y a une dette qui est folle, hein, 134% de dette en Italie, à cause du confinement là, lié au Covid-19, bon il y a plein de gens qui ont perdu leur boulot, enfin c'est la merde, mais en fait le seul groupe de gens que ce rouge, voilà, il cherche à qui donner de l'argent. Alors, il y a plein d'Italiens qui sont en train de crever de faim en ce moment, tu vois, parce que des pauvres, il y en a en Italie, hein, surtout à Rome, c'est pas un problème pour les trouver. Mais non, lui, il va chercher absolument des travelots prostituées, c'est bien sûr la priorité. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, donc je pense que par rapport aux auditeurs et, qui nous écoutent, qui sont pas forcément proches de la chrétienté, vous êtes peut-être assez à l'aise avec le concept de blasphème. Je le comprends, hein, il n'y a pas de souci, hein. Vous êtes libre, moi c'est bien sûr une chose que je partage pas, mais en tout cas vous devez aussi comprendre que pour un prêtre, normalement c'est quelque chose qui n'a pas existé, quoi. C'est dans la logique des choses. Donc en fait, que dans un discours politique d'extrême gauche, déjà on fourvoie l'évangile pour faire un discours politique particulier d'extrême gauche, c'est déjà assez dégueulasse, mais en plus ça veut dire en gros, il assimile à la phrase de fin est terrible, hein, il assimile Jésus à un macro, quoi. Jésus aurait dû faire ça, payer des prostituées pour qu'ils continuent leur activité. Et puis en plus, bon, c'est une charité à la con, c'est une charité, charité de gauchiste où il faut juste être gentil, quoi, en gros, il ne faut pas de vagues, c'est pas comme l'évangile, c'est pas ça, quoi. C'est faut être charitable, mais il faut aussi se convertir, quoi. Mais bon, ça c'est un logiciel que les modernistes ne comprennent plus. Hein. Bah, moi, si, je t'avoue que si j'avais en face de moi une église catholique un peu plus convaincue d'elle-même, je ne verrais plus les catholiques de la même façon. Moi, ce que je déplore chez les catholiques et ce qui m'insupporte, c'est le fait qu'ils soient des paillassons. Hein. C'est pas le fait qu'ils soient sûrs de leur dogme. Peut-être ils auraient peut-être un peu plus à gagner, à être un peu plus dominateurs. Hein. Moi, l'Inquisition, écoute, pourquoi pas. Mais je suis d'accord avec toi, MacDav. Hein. Je pense que, par exemple, le pape François, bon, pas que lui, hein, c'est une machine à créer des protestants, en fait. Parce que les gens se détournent de ça. Ils disent, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, pendant 2000 ans, on a fonctionné autrement. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, il y a un truc louche, quoi. Donc, quand ils voient Rome, puis qu'ils voient des Krajowski rouges qui sont installés à Rome, pour le coup, hein, et qui distribuent l'argent à des prostituées transgenres, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah, oui, non, mais à chaque fois que je rencontre un catholique qui, enfin, comment dire... Vaticanesque, enfin je sais pas si on pourrait utiliser ce terme, j'ai vraiment l'impression qu'il a honte de sa foi. Et je suis à chaque fois gêné face à ces gens. Non mais ils sont vraiment à l'image, enfin ils ont suivi l'évolution de la société occidentale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont totalement intégré la critique marxiste dans leur propre compréhension du monde. Et il faut pas chercher ailleurs, hein, la culpabilité blanche. Je pense qu'on pourra en parler dans la deuxième partie quand on va parler des émeutes raciales aux États-Unis. Mais je veux dire, pourquoi la race blanche a toujours a priori tort, et pourquoi tous les métèques, ça, sont toujours a priori raison, et donc ce sont toujours des victimes. Alors excusez-moi, enfin je veux dire, les nègres en France, ils ont juste à fermer leur gueule, ils sont pas chez eux, c'est pas leur continent, d'accord? Ils ont aucun droit, d'accord? Point barre. Bon, Mais on vit dans cet univers curieux où ces gens-là prétendent avoir des droits sur nous. Donc ils viennent dans nos pays, ils viennent dans les pays blancs pour expliquer qu'ils peuvent pas nous supporter. Bon, et on accepte ça. Et il y a tout un discours, toute une narration qui accompagne cette agressivité désalogène. Et ben, ça trouve son origine dans l'intégration, dans la psyché collective occidentale, du procès fait par les marxistes à l'Occident en tant que civilisation. Hein, donc, que ce soit l'antiracisme, l'anticolonialisme, je n'en passe, c'est des meilleurs. Et l'Église catholique a suivi exactement la même pente. Alors bon, ça a été évidemment formidablement mis en mouvement par le Concile Vatican II entre 62 et 65, où en fait, parce que oui, effectivement, Mgr Lefebvre appelait la révolution dans l'Église, c'est-à-dire la révolution communiste dans l'Église catholique, l'Église catholique a intégré la critique marxiste. Donc, l'Église catholique, du jour au lendemain, a dit, notre dogme n'est plus le dogme. Voilà, c'est une proposition parmi des tas de propositions spirituelles qui existent dans le monde, etc. Donc, fatalement, dans une religion révélée comme l'est le catholicisme, si vous dites que finalement, elle n'est pas si révélée que ça, votre religion, et que vous pouvez vous en passer, elle a plus de raison d'être. Enfin, vous déposez le bilan, par définition. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, donc, comme au plan spirituel, en fait, l'Église catholique, au plus haut niveau, par la voix des différents papes, a reconnu que, en fait, elle avait tort. À partir du moment où on dit les musulmans ont raison d'être musulmans, les bouddhistes ont raison d'être bouddhistes, ça veut dire que soi-même, on ne peut pas prétendre à la vérité. Hein, c'est très clair. Ils se rabattent sur la vision marxiste du monde qui consiste effectivement à alimenter l'insurrection générale. Et pour ces gens-là, plus c'est marginal, plus c'est déclassé, plus c'est antisocial, plus c'est valorisant. Et c'est pas du tout étonnant de les voir s'intéresser aux éléments les plus antisociaux qui existent dans les sociétés autour de nous. Donc vous avez qu'à regarder. Ce sont des hypocrites. Tous ces curés sont des hypocrites. Ils prétendent s'intéresser aux pauvres. Les pauvres ne les intéressent pas. En France, il y a des tas de pauvres en France. C'est pas un problème. Ce qui les intéresse, c'est les groupes antisociaux qui vont alimenter le trouble civil et le trouble social. Donc, ils préfèrent les clandestins musulmans. Forcément. Excuse-moi Gandalf, mais ils ont pas à courir jusque-là. Bon, regarde la situation actuelle. Toutes les missions catholiques en Afrique sont devenus des systèmes qui permettent de collecter du pognon pour pouvoir maintenir le statut financier de Rome. Oui. Rentre dans n'importe quelle école catholique en Europe, tu vas retrouver quoi ? Tu vas retrouver une petite frange de la population catholique blanche française qui tient à donner à ses enfants, entre guillemets, des cours d'une certaine valeur. Et tu vas te retrouver avec une masse de bougnoules et de bougnoules musulmans et de nègres qui sont là pour l'éducation de leurs mômes. Mais c'est affolant, quoi. Il faut bien se rendre compte que théoriquement, si tu rentres dans une école catholique, c'est pour suivre l'enseignement catholique. Eh bien non, ces gars-là se retrouvent à devoir gérer des musulmans en masse dont on ne sait plus quoi foutre, mais qui font rentrer du pognon parce que ça fait rentrer des subsides, c'est véritablement un truc de dingue. On est dans une forfaiture complète du système, complète et absolue. Oui. Alors, pour faire la petite distinction par rapport à ce que tu viens de dire, Diabolique, sur les écoles, l'école privée catholique, officiellement catholique, hein, donc, qui n'est pas hors contrat, doit absolument suivre le programme et... suivre toutes les directives de la République et aussi impliquer les principes de la laïcité, ce genre de trucs, quoi. Donc, catholique ou pas catholique, même si ce serait pour l'école, une école privée musulmane, ce serait la même chose. Les profs aussi. Les profs sont l'éducation nationale. Alors que l'école privée, catholique ou pas d'ailleurs, hors contrat, là c'est autre chose. ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils suivent pas le programme. Et alors pour le coup, les écoles privées hors contrat en France, c'est essentiellement des écoles privées hors contrat catholiques et traditionnalistes en termes de statistiques. Je te cache pas que le programme, machin, la laïcité, enfin, ils se torchent le cul avec, hein, ils s'en foutent. Hein. Oui, bah, ce sont des écoles... pays. Oui, enfin, c'est des écoles, ce qu'on appelle les écoles de bonnes sœurs. Alors, souvent des écoles de bonnes sœurs, pas tout le temps, mais souvent il y en a. Alors donc, dans ces établissements-là, j'en connais un, les élèves sont en internat et ils sont pris en charge par des bonnes sœurs. En tenue de bonnes sœurs, avec les coiffes, à l'ancienne, hein. Et alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont trouver ça très bizarre, mais il faut savoir que c'était un enseignement qui était très répandu il y a encore une cinquantaine d'années dans certains endroits en France. On était pris en charge par des bonnes sœurs, et je veux dire, les gens du commun. Il y avait beaucoup d'établissements comme ça. Mais avec le basculement, c'est-à-dire que tous les établissements catholiques qu'on connaît aujourd'hui, tous ceux que vous voyez, hein, les écoles catholiques les plus banales, étaient gérées autrefois par des frères ou des sœurs, c'est-à-dire des prêtres. C'est-à-dire que souvent, oui, tu as raison de dire ça, dans beaucoup de villages, il n'y avait d'ailleurs pas d'école publique, oui. Notamment après, au moment des guerres de Napoléon, etc., il y avait plein d'enfants qui étaient orphelins, dont le père était mort à la guerre, ou parfois aussi leur mère était décédée, etc. Et donc, il fallait les prendre en charge, mais la totalité du temps, pas seulement la journée, mais aussi le soir. Et ce qui fait que, bah, objectivement, un certain nombre de catholiques ont joué un rôle dans l'enseignement plus fondamental, c'est-à-dire apprendre à lire et écrire, mais le pape François pourrait s'enorgueillir de ce genre de choses, qui sont plutôt à mettre au crédit de l'Église, bien sûr. Mais non, on a honte de soi-même, comme notamment MacDav a dit. Et bon, après, c'est encore un autre sujet qui pourrait nous entraîner beaucoup plus loin, mais il y a un rapport tellement sympathique, œcuménique, comme on dit, de mélange des religions vis-à-vis des rabbins aussi, bien sûr. On a vu... le pape François rigoler, faire des blagues avec des rabbins, alors c'est-à-dire des gens qui refusent le Christ et qui l'ont crucifié officiellement, hein, d'après l'Église. Donc pas de problème, on peut faire des blagues avec eux, avec les protestants, on fait des rencontres écuméniques, la déesse indienne, aborigène Pachamama, qui est célébrée. Là, bon, c'est un thème que j'ai pas énormément creusé, mais c'est quand même le noachisme, c'est-à-dire de créer peut-être une religion mondiale, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si, le noachisme, c'est une démarche des rabbins qui consiste à proposer aux non-juifs se subordonner en fait au culte hébraïque en suivant toute une série de principes et de préceptes de la religion juive. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juif, mais vous pouvez vous inscrire dans le sillon du judaïsme si vous respectez un certain nombre de préceptes. Et effectivement, un certain nombre de rabbins encouragent très vivement les autres cultes à s'aligner moralement, éthiquement sur la religion juive. C'est ce qu'on appelle donc effectivement le noachisme, comme tu le dis. Oui. Si tu le permets, Gandalf, je me rends une petite. Le noachisme, en fait, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est suivi des lois qui sont pas suggérées, mais c'est quand même ça, qui sont en fait les lois de Noé. Je ne les connais pas, ne me les demande pas. L'ancêtre commun, Noé. Bon, mais il y a eu à propos de l'orientation marxiste de l'Église que tu as cité tout à l'heure, j'ai lu un texte intéressant il n'y a pas très longtemps qui m'a appris que c'est un abbé, Georges de Nantes. Je ne sais pas si tu connais ce type. Bon. Ça me parle, oui. Il est connu apparemment, moi je ne connaissais pas. Et ce monsieur a fait une analyse de Vatican II. Et il a tiré des enseignements de cela, qu'il a exposé. Et il en est arrivé comme conclusion sur l'orientation nouvelle de l'Église après Vatican II. Il a résumé cela à un acronyme. Qui est le MASDU, MASDU, qui signifie, et c'est là où on repense à l'orientation marxiste de l'Église Vaticane, c'est le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Ça, c'était véritablement l'idée principale qui sortait de l'analyse de ce prélat. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, l'Église conciliaire, après Vatican II, se transformait en mouvement d'animation démocratique, hein, c'est ça que tu veux dire, hein. C'est exactement ça. Ce qui montrerait que, pour un esprit, disons, objectif, la démocratie est bien plus marxiste qu'autre chose. Ça, on le sait tous, nous. Mais bon, je crois que ça vaut la peine d'être souligné. Et universel, c'est-à-dire sans frontières. Hein. Oui, c'est ça. Oui, enfin, le cosmopolitisme, quoi. C'était la transformation de l'écuménisme. L'écuménisme, initialement, est chrétien. Il vise à rassembler les différentes branches de la chrétienté. Et puis, avec Vatican II, l'écuménisme devient quelque chose qui veut rassembler toutes les religions, y compris sans doute les adorateurs de l'oignon ou du nombril, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est pour cela que des gens comme Bergoglio sont absolument froids, imperméables à toute logique chrétienne, voire catholique. Alors, pour la petite blagounette, je ne connaissais pas le fameux abbé de Nantes, là, Georges de Nantes. Moi, je le connaissais. Ouais. Mais apparemment, ce serait un mec catalogué à l'extrême droite. Bon, en tout cas, selon Wikipédia, il aurait invité ses fidèles à être reconnaissants envers Adolf Hitler. Donc voilà, je tenais quand même à le souligner. Voilà. Monsieur l'abbé, je vous salue. Un Panzer abbé, donc... Ça, c'est une église catholique qui me parle déjà plus. Sur ce, nous allons faire une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de Démocratie participative. Le fracas va résonner ce soir! Fais-toi une place avec père, fais pas cas. Prépare-toi au mouvement de jeunes et vils éléments. Cette chaleur délétère, tu vas montrer qui tu es. Tu joues des bras, t'es la barbare. Dans la peau, ça s'envole. Tu cultures, tu butes des gravures. Tu charges un casque, la foule de psychopathes. Avec la masse, tu fais corps, t'es là. Ce soir, tu es vivant, avalé, mort vivant. Le sang partout se répand. Les cris acclament les groupes et leurs étendards. Des paroles d'espoir, des slogans qui claquent. Rythme et rythme saturé pour tous les agités. Voici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 5, épisode 21. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique suivante, c'est le tweet de la semaine. Et je dois dire que la palme revient très facilement à la gendarmerie de l'Essonne, qui dispose d'un compte Twitter. Hein, donc gendarmerie Essonne 91, bien sûr. Ils ont du temps à perdre. Ils ont du temps à perdre. Alors, pour être tout à fait honnête, le tweet est un peu plus vieux qu'une semaine. Il est un peu plus d'une semaine. Il est paru le 17 mai. Mais bon, je porte à l'attention de nos auditeurs maintenant ce tweet. Donc, je le classe quand même comme tweet de la semaine. Ceci étant dit, il pourrait très bien être catalogué comme le tweet du mois. Hein. Alors, je cite... Hein, l'homophobie et la transphobie n'ont pas leur place dans la société et sur les réseaux sociaux. Victime ou témoin, pas de problème. Flagasso a développé une application pour signaler. Sur ce, le compte Twitter de la gendarmerie de l'Essonne renvoie vers un lien pour pouvoir dénoncer ceux qui pourraient avoir des choses à dire ou redire à propos des transsexuels, peut-être... notamment des transsexuels qui recevraient des dons de la part du pape. Donc voilà, alors, ce message est, comment dirais-je, associé à une image, à un visuel magnifique, où on voit l'écusson hein, de la gendarmerie de l'Essonne, hein, l'écusson donc, officielle, avec en arrière-fond les couleurs du drapeau LGBT. Alors, j'insiste, LGBT. T, avec un T comme terroriste, mais en fait c'est pour dire transsexuel, hein, pour bien comprendre. Donc la gendarmerie maintenant prend la défense active des hommes qui se déguisent en femmes et qui se font couper le zizi pour se mettre un morceau de viande à la place en guise de vagin artificiel. Il y a des vidéos qui traînent sur internet à ce sujet, ça pourra vous intéresser, ou pas. Des cicatrices qui sentent la mort, hein, littéralement. La mort, c'est-à-dire la putréfaction de la chair, hein, ouais. La mort. Tout à fait, tout à fait. Alors, des gens normaux, donc. Donc, mai 2020, priorité très claire hein, de la gendarmerie de l'Essonne, et de la gendarmerie en plus généralement, c'est de traquer les gens qui pourraient dire des choses sur Internet à propos des travelots. Ça, c'est une priorité sécuritaire. Alors, c'est curieux parce qu'ils ont posté ça pratiquement à la fin du déconfinement. Hein. Deux jours après le déconfinement, hop, ils sont passés tout de suite aux travelots. C'est un peu rigolo. Donc finalement, on peut résumer l'activité actuelle de la gendarmerie à deux choses, en substance. Hein. C'est traquer les automobilistes pour les faire cracher au bassinet, ou traquer les gens qui toussent sur les fiottes. Pas que sur les fiottes, hein. Également oui, vinaigre, les juifs. Oui, je rappelle qu'il est toujours honteusement interdit de dénoncer les juifs. Hein. Si vous dénoncez les juifs à la police, on viendra vous chercher. Oui, vous, hein, oui. C'est vous, hein, pas les juifs. Hein, c'est Rachida Dati, je me souviens, avait reçu des courriers de... d'honnêtes citoyens dénonçant tout à fait. Des sectes qui judaïsaient en secret dans son voisinage. Oui. Et ma foi, donc, elle n'a rien fait, et puis elle s'est permis de révéler ce témoignage, heureusement de manière anonyme, hein, puisque sinon cet honnête citoyen aurait pu être inquiété. Mais si vous faites ça à la police viendra vous chercher. Hein. Tout à fait. Alors donc maintenant il n'y a pas que les juifs, il y a aussi les fiottes. Non mais franchement, ils ont perdu la boule ou quoi? Non mais attends, moi je me suis permis de faire circuler le tweet dans certaines gendarmeries des pays de l'Est. J'aime autant te dire que la gendarmerie française a la cote depuis ce tweet. Ah ouais non mais là c'est vraiment la mise au pas, idéologique. De tous les corps de l'État, hein, à commencer par les forces de l'ordre. Hein. Une chose est certaine, c'est que, comme de temps en temps, il y a des échanges au niveau des différents corps de gendarmerie européens via un truc européen, justement. Quand ils arriveront dans certaines réunions, on va leur offrir des tutus roses. J'aimerais bien, mais je n'y crois pas, malheureusement. Si, si, dans les trucs internationaux, si ça a lieu dans les paysages, je pense qu'ils se permettront de leur faire des grosses blagues bien, bien drôles. Hein. Moi, j'aimerais ah bien... Ah oui, ça, rassure-toi, il n'y aura aucune pitié. Hein. J'aimerais bien en savoir plus sur la réunion de, avec les pays musulmans, ça pourrait être intéressant aussi, ça. Aussi, ouais. Non, ça cumule, la France cumule tout, en général. Vous avez... bon, c'est anecdotique, bien sûr, c'est anecdotique, mais ça, ça permet de prendre la température. On passe de la papauté ou à la gendarmerie, mais vous avez remarqué que ces gens sont sur la même longueur d'onde. Hein. Les gendarmes, oui. Ah ben, d'ailleurs, sur le blason de l'Essonne, nous avons des fleurs de lys. C'est-à-dire, ça nous rappelle la royauté, la monarchie, la, ouais. la France catholique. Donc, et puis derrière, nous avons le drapeau LGBT. Ça, c'est très bien dans les. C'est très, oui, ça résonne de manière parfaite avec ce dont on a parlé en première partie, à savoir le pape qui finance. Des prostituées transsexuelles et qui bénit leurs objets dont ils font des choses particulièrement coupables. Hein, Oui, des démoniaques, hein, on peut le dire, pour le coup. Oui, oui, juives. Donc, voilà, il y a une il y a des, comment dire, des couleurs qui s'assemblent, hein, comme, dans comme pour l'arc-en-ciel. Y aurait-il une convergence eschatologique, peut-être? Oui, l'arc-en-ciel, bizarrement, n'est jamais loin de certaines choses. De la France, et de la France, l'arc-en-ciel, les PD, les nègres, en fait, tout ça, c'est jamais très loin, tout ça. Hein. Non. Non, non. Bon, voilà, je me suis dit que c'était valable de le citer, ce petit tweet. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 4, pardon, progrès. Et on reste sur la lancée des travelots, en fait, parce que c'est peut-être cette semaine, la semaine des travelots. C'est pas moi qui le décrète, hein, c'est les travelots eux-mêmes qui tiennent à nous le faire savoir. Et je cite un article de 20minutes.fr. Alors, si vous ne le savez pas, la France a franchi une nouvelle étape vers cet horizon qui nous attend, qui est l'horizon donc du progrès. Le progrès qui se mesure, en fait, à la capacité des fiottes à s'élargir l'anus, hein, collectivement. Et plus l'anus est dilaté, plus le progrès est conséquent. Voilà. C'est très simple, c'est facile à mesurer. Je m'abstiendrai de le faire personnellement, mais c'est facile à mesurer. Eh bien, nous avons là un élément de plus qui démontre que la France est devenue très, très, très progressiste. Je vous lis tout de suite cet article de 20 minutes, il est magistral. Une femme transgenre, alors je cite, hein, je m'abstiens de commenter, hein, parce que sinon... Une femme transgenre a été élue samedi matin maire de Tilloy-les-Marchiennes, dans le Nord, par le conseil municipal de ce village de 550 habitants composé uniquement de membres de sa liste, a-t-elle annoncé à l'AFP, rien de moins, confirmant une information de la Voix du Nord. Marie Co, 55 ans, est à ma connaissance la première personne transgenre élue maire en France, a indiqué à l'AFP Stéphanie Nico, cofondatrice de l'Association Nationale Transgenre, donc l'ANT, précisant toutefois que des personnes ont pu passer sous les radars, ne pas rendre cela public. Ingénieur, titulaire d'un diplôme de technicien agricole, d'un BTS horticole et passé par l'armée, avant de se reconvertir dans l'informatique, il se passe des choses à l'armée. Marico a été élue avec 14 voix et un vote nul lors du scrutin du 15 mars. Donc c'est au niveau du conseil municipal, bien sûr. Lors du scrutin du 15 mars, les candidats de sa liste avaient obtenu entre 63,5 et 73,1% des suffrages. Le taux de participation s'établissant à 67,9%. « C'est un beau score en période de Covid-19 », se réjouit-elle auprès de l'AFP. Pas du tout surprise, puisque la liste incarnait une volonté de changement. C'est sûr. Complètement femme depuis environ 5 ans, après une transition progressive, pendant une quinzaine d'années quand même, Marico n'a pas encore changé d'état civil, mais entend le faire prochainement. Pour éviter les tracasseries administratives. Je n'ai pas eu à changer de prénom car Marie est mon troisième prénom de naissance et je l'utilise couramment depuis 2 ans comme le code civil m'y autorise, explique-t-elle. Depuis 2016, le changement d'état civil a été facilité pour les personnes transgenres qui n'ont plus à le justifier par des documents médicaux. et psychiatrique peut-être, mais doivent toujours passer devant un tribunal pour l'obtenir. Je ne suis pas une personne militante, confie Mariko, hein, non. Qu'on souhaitant rester discrète et se concentrer sur l'action municipale. Justement, les gens ne m'ont pas élu parce que j'étais transgenre ou contre. Ils ont élu un programme. C'est ça qui est intéressant quand les choses deviennent normales, qu'on n'est pas montré du doigt, estime-t-elle. Habitante du village depuis 20 ans, mère de 3 enfants. Oh putain de merde! Oh putain de merde! Donc en fait, c'est le père de 3 gosses, en fait. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Il s'est découvert femme il y a 5 ans, quoi. Entre guillemets. Et défendant un modèle basé sur le développement durable, l'économie locale et les circuits courts, le social et le mieux vivre ensemble, putain, il y a tout y est, quoi. Elle cumulera ses fonctions, en plus d'état, quoi, de maire avec son entreprise de conseil en informatique. Pour la militante Stéphanie Nico, cette élection montre que même si la France est très en retard sur toutes les questions relatives aux minorités, nos concitoyens sont de plus en plus progressistes. Choisissent leurs élus en considérant la valeur des individus indépendamment de leur identité de genre. Alors, bah, c'est oui, j'ai envie de dire, bon, le pape, les gendarmes, et puis le maire, hein. Je veux dire, là, on a la Sainte Trinité, là. Là, on a une certaine idée de la trifonctionnalité oui. Européenne. Ouais. C'est très loin des gendarmes à Saint-Tropez qui allaient traquer les nanas en bikini sur la plage, hein, quand même. Bah, c'était quand même plus rigolo, mais bon, là, je découvre l'affaire, je ne suis pas trop intéressé à l'actualité. Tu temps. Ne suis pas l'activité, oh, l'actualité transsexuelle, comment c'est, je comprends pas. Oui, l'actualité française, je dis non, oui. Ça m'intéresse assez peu. Bon, bon. Comme toi, t'es un réactionnaire. Putain, Oui, alors moi, ce que je... Bon, je me permets de commencer, du coup. Là, j'ai hurlé, là, quand j'ai entendu « Mère de 3 enfants ». C'est effectivement, je pense qu'il y a de quoi. Oui, c'est oui. C'est dramatique. C'est-à-dire que ces gens-là, bon, enfin, ce taré, du coup, c'est un fou, cliniquement, c'est un ah oui, c'est, oh là là, oui, cliniquement, c'est un fou. Il s'est fait couper la bite, etc., il a engendré 3 gosses. Comment dire ? Alors non, c'est dans l'autre sens. Il a engendré 3 gosses et il s'est fait couper la bite. Ouais, mais bon... Non, mais parce qu'on rentre un peu dans le détail du truc, parce que je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a eu des rapports sexuels avec une femme, très régulièrement... ayant eu un enfant, puis un deuxième enfant, un troisième enfant, c'est quelqu'un qui, enfin, je veux dire, qui, voilà, non, mais ensuite, il se transforme en femme et il se fait couper la bite. Voilà. Il était déjà. Et attention, attention. Vas-y. Imaginez la réaction de sa nana et surtout de ses mômes quand il a dû à un certain moment arriver en disant bon ben écoutez, je vous plaque parce que j'ai décidé de me faire opérer. Chapeau. On ne sait pas s'il est divorcé, ça se trouve, il ne l'est pas, je ne sais pas. Oui, ou alors il continue de se faire enculer par... Enfin bon, moi, peu importe. Ah ouais. Mais le problème étant, si tu veux, que ce type-là, donc ce fou, ce dingue porteur de dinguerie dans sa tête et dans ses gènes, a fait 3 gosses, et, c'est, et ça va se répliquer, ce truc-là. Ah oui, mais c'est la République. Mettre le point. Excuse-moi, Diabolique, je voudrais mettre le point sur un problème dont on ne parle pas forcément assez, parce que c'est pas forcément très beaucoup documenté. C'est la dégénérescence des Français, des Occidentaux en général. C'est-à-dire des fiottes qui, pendant des années, les fiottes se mariaient et puis avaient tant bien que mal des gosses. Ces gens-là transmettent leur tare en se reproduisant et on arrive à ce qu'on a aujourd'hui. Donc là c'est le type qui se fait couper la bite, qui avant de se faire couper la bite et de se faire bénir par des objets on ne sait pas ce qu'en dit le clergé, mais enfin, je présume qu'il est d'accord, voilà. Mais bon, ça crée des monstres. On va avoir des gens, ce sont des blancs, hein. c'est pas des nègres qui font ça. Hein. On va avoir une tripotée de blancs qui sont des monstres, littéralement des monstres, des mutants. Des frics. Moi, ça, c'est, ça, ça, ça m'inquiète. Et il faut penser à ça quand on pense politique. Parce que si vous pensez juste, oui, blanc égale génial, voilà, ça, salut. Non, non, ça ne va pas. Il va falloir... affiner un peu plus, c'est ça que tu veux dire. Au minimum du Alexis Carrel, hein, au niveau de l'eugénie. Au minimum. Oh oui, oh oui. C'est du minimum. Hein, c'est, bon, c'est gentil, Alexis Carrel. Ah non, le minimum, c'est Adolf Hitler. Oui, bon, oui, c'est, là, c'est déjà un petit peu plus élitiste, mais... oui, mais bon, on pourrait aller plus loin. Mais c'est grave. C'est grave, là, ce qui se passe. On est en guerre anthropologique contre le... Et là, on va se heurter à un mur. C'est-à-dire qu'on a des enfants de transsexuels qui vont arriver, qui vont se marier avec des nègres, dans des relations polyamoureuses, chier des trucs avec trois bras, cinq jambes. Bon, Tout ça pour te dire, pour mesurer quand même le problème, c'est qu'on n'est pas dans une ville, dans une grande ville française, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, dans un quartier à fiottes, machin. Non, on est dans une petite commune rurale, 550 habitants, du nord de la France, vous voyez, probablement avec beaucoup de problèmes. Et c'est un travelot qui a été plébiscité, je veux dire, les deux tiers des voix se sont portées sur le travelot, avec une participation tout à fait correcte, hein. On est aussi sur deux tiers de l'électorat qui a participé à l'élection, donc c'est pas du tout un malentendu, c'est pas, ouais, on n'est pas certain, on sait pas, non, il a vraiment une majorité pour lui, et donc, enfin, ce qui est quand même aberrant, ils ont élu un mec déguisé en femme, quoi. Je veux dire. Voilà. Et ça, c'est pas du tout la France des grandes villes. Là. Non, c'est la France rurale. Et ça, ça a eu lieu en 20 ans de temps, cette révolution culturelle-là. Parce que c'est une révolution culturelle. Une dévolution culturelle, devrais-je dire. Mais elle est quand même très réelle. Je veux dire, on n'aurait jamais imaginé, il y a encore 20 ans, dans les campagnes françaises, l'élection d'un travelot. Revendiquer, ça aurait défié l'entendement, ça serait jamais arrivé. Jamais. On élisait des communistes, hein, cher ami. Oui, non, mais d'accord, mais bon, les travelots, enfin, les communistes, j'en arrive à les confondre d'ailleurs. Les communistes étaient, comment dirais-je, étaient souvent des gens qui venaient du monde ouvrier, je parle vraiment des communes, des petites communes, etc. Plus tard, c'est devenu un ramassis de fonctionnaires, mais. C'était quand même assez viril, l'ambiance, hein. Et vous auriez mis un travelot au milieu d'un bar rempli d'ouvriers communistes. C'est vrai que, d'ailleurs, pour Maurice Thorez et son épouse, l'homosexualité était un vice de bourgeois. Donc, oui, mais Maurice Thorez avait raison. Il n'y a pas que Maurice Thorez qui l'a dit, d'ailleurs. Mais voilà où nous en sommes. Maintenant, nous sommes dans la promotion active, donc des pires tarés. Moi, je ne sais pas ce que fait ce bonhomme-là avec ses gosses. On n'a pas été voir. Hein. Excusez-moi, hein. le mec, il fait trois gamins, il se découvre une âme de femme. Il se fait couper la bite, il se fout une perruque. Il a fait des trucs avec ses gamins, des fois, par hasard. Au risque de choquer, dans ce cas-là, je serais pour un principe de précaution pour lequel je ne suis pas... adepte dans le cas général, dans le cas en tout cas de l'activité économique, mais dans ce cas-là, je pense que le principe de précaution maximale... L'internement être... minimum. Oui, non, enfin, ça c'est quand même... Je sais pas ce que j'appelle un principe de précaution... Oui, je sais bien, mais bon, disons pour des formes... Oui. J'ai mieux, j'ai beaucoup mieux. En cellule dans la gendarmerie de l'Essonne. Bah non, c'est la fête, là. C'est la fête. Payer avec nos impôts. Alors voilà, moi j'ai une solution. En tout cas, c'est très marrant que les gauchistes aiment appliquer le principe de précaution pour beaucoup de sujets, les OGM, certaines solutions techniques, les ondes, mais alors l'homosexualité, la dégénérescence, non, absolument pas. Expérimentons. Bioréactionnaire, sauf pour l'être humain. Hein. Comment, je sais pas, là j'ai un choix cornélien entre des nègres protestants évangéliques ultra-homophobes ou des fiottes comme ça qui jouent avec le zizi des enfants. Qu'est-ce que je préfère? Oh moi je préfère, je te dis, je préfère Boko Haram, clairement. C'est quand même beaucoup plus rigolo, quoi. C'est marrant. Non, mais il y a un mur anthropologique, c'est-à-dire que je suis bien obligé de reconnaître que des nègres, aussi dysfonctionnels qu'ils soient, hein, à l'origine, mais des nègres hétérosexuels sont plus fonctionnels anthropologiquement que des hommes déguisés en femmes qui disent être pères de 3 enfants. Je suis bien obligé de le dire. Donc c'est un petit peu bizarre, là, comme. Mais c'est la France qui nous oblige à parce que vous allez me dire, mais pourquoi se mettre ce type d'alternative en tête? Bah, c'est la France qui nous place un petit peu devant ce type d'alternative. Je crois que nous allons arriver à un moment où tous collectivement, hein, on va nous dire, il va falloir choisir entre l'État islamique ou les mères Travelo. J'ai un peu l'impression que c'est le projet, quoi, d'ailleurs. Il me semble que c'est un petit peu l'objet du bouquin de Houellebecq, Soumission, pour le coup. Oui, c'est pas faux, oui. Et bon, c'est vrai qu'on... Bah, l'islam a des... C'est une question qu'on a du mal à se poser, quoi. A des arguments... alors, évidemment, je suis pas en train de vous dire... Fallacieux. Je vais pas dire que je vais me convertir à l'islam, mais ce que je veux dire par là... Non, bien sûr. Je veux dire que c'est sûr que entre le LGBTisme complètement taré, bon, qui ceci dit reste minoritaire, hein, fort heureusement d'ailleurs, mais bon, qui est quand même culturellement très invasif. Qui est minoritaire, mais accepté prévalent culturellement. Par la majorité. Ouais. Et accepté. Et ça, c'est ça qui est dramatique. Ouais. C'est pour les générations à venir. Donc entre ça et le salafisme, ça risque d'être. Alors je trouve que nonobstant les questions raciales, c'est sûr que les salafistes ont des choses à proposer qui sont quand même plus constructives, j'ai envie de dire. Ah bah, que se faire couper la bite, ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement. Bon, ouais, c'est tout sûr. Tout est mieux, quoi. Voilà, okay, la polygamie, bon, voilà, 4 femmes, oui, d'accord. Ah bon, d'accord, ouais. Très bien, bon. Les autres, ils te proposent, oui, on va vous couper les couilles, on va vous foutre des faux nichons, une perruque, voilà, et vous pourrez adopter des gamins du sous-continent indien. Et puis vous allez pouvoir payer 60% de prélèvement obligatoire pour engraisser des nègres. Ah, c'est génial. Non, mais à côté de la zakat, c'est $1, quoi, je veux dire. C'est rien du tout. Je ne sais pas, je m'interroge. Non, bien sûr, je déconne, mais mais la France va placer les gens devant cette alternative. Ils vont dire, en gros, qu'est-ce que vous voulez? Le LGBTisme fondamentaliste ou bien l'islam radical? Qu'est-ce que vous préférez? C'est pratiquement ça l'alternative qu'on nous propose aujourd'hui. Hein. Parce que bon, l'Église catholique, on en a parlé, bon, eux, ils n'ont plus rien à proposer, ils n'en ont plus rien à foutre. Marine Le Pen est occupée par ses chats. Donc, c'est quoi l'alternative? Non, mais même les, ben, même c'est les plus, populations c'est plus d'un, musulmanes y a plus de France, d'alternative, on court au naufrage. Les bougnoules, etc., deviennent des semi-fiottes, enfin, plus que des semi-fiottes, pour le coup. Non, pas tous. Il y en a, mais pas tous. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Alors, par contre, c'est vrai que les bougnoules, ouais. Là, je parle des maghrébins, ont un goût très prononcé pour les travelots. Ah, bah oui. Enfin, oui. Oui, aussi. Le bois de Boulogne est un autre lycée de l'hôpital après la CAF. Hein. Alors, donc les travelots sont sud-américains, des péruviens, des trucs comme ça. Les clients sont algériens. C'est quand même curieux, quoi. Imaginez, vous voulez aller aux putes. Fianso, là, sur le site. Qui s'était fait gauler en train de baiser une travaux, justement. Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, visiblement, son public n'en a pas tenu rigueur. Hein. En islam aussi, et puisqu'on parle d'islam, ouais. S'il n'y a pas six témoins dans la pièce, ça n'est pas reconnu comme étant de l'homosexualité. Ouais, mais en vidéo. Ouais, mais la vidéo, c'est les sionistes. Il faudra demander aux savants. La vidéo, c'est les sionistes. C'est les sionistes, donc ça va pas. S'il n'y a pas 6 personnes dans la pièce pour constater, ça n'est pas. C'est vrai, hein, je rigole pas. C'est l'homosexualité en islam, il faut qu'il y ait, je sais plus si c'est 5 ou 6 personnes, mais il faut qu'il y ait 5 ou 6 personnes qui prennent les coupables en pleine. En flagrant délit. Sinon, si. Non, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Il y en a 3 qui ont vu. Nous. Ouais, ben non, c'est pas suffisant. Oui, et puis si c'est des couffards, ça marche pas. Ouais, non, ça c'est encore. La voix d'un couffard vaut pour un tiers de celle d'un musulman, un truc comme ça, non? Exactement. Oui, non, mais, oui, c'est vrai, c'est bon. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Afghanistan où ces gens-là enculent des gamins du même sexe, bien entendu. Attire l'arigot, c'est industriel comme pratique. Donc bon, l'islam homophobe, on repassera. Hein. Ça n'existe pas. Si, il y a un islam homophobe, il faut pas le nier. Le salafisme est très très très très très agressif avec l'homosexualité. Ça n'existe pas le salafisme. Ça n'est pas. Oui, alors voilà. Dans quelle mesure c'est représentatif ? Effectivement, t'as raison. C'est une fraction marginale, effectivement. Dès qu'on parle d'islam radical, on passe de suite à l'Afghanistan, le Pakistan. Putain, là-bas, c'est oui, où il y a beaucoup d'homosexuels. Voilà, ils se tirent tous dessus entre eux, mais ce sont tous d'énormes fiottes. Ouais, hein, le truc, c'est qu'en Afghanistan, au Pakistan, tu sais pas trop si. Je crois pas que ce soit vraiment lié à l'islam. Je pense que c'est endogène, c'est lié à la. C'est des pratiques, à mon avis, qui sont millénaires là-bas, à mon sens, hein, je veux dire. Est vrai que les Indiens qui sont hindouistes et voisins ont pas forcément avec les hommes pour le coup, mais ils ont des problèmes, ils ont clairement des problèmes à maîtriser leurs émotions, enfin, leurs élans. Il y a quelque chose dans le sous-continent indien et un petit peu à côté. Du Bangladesh à l'Afghanistan, ouais. qui interroge en tout cas. Hein. Oui, je crois, parce que je sais pas après, hein, on pourrait réfléchir, mais je suis pas certain. Par exemple, le Sénégal est un pays musulman, bon, c'est des nègres. À mon avis, l'homosexualité n'y est pas du tout répandue, mais pas du tout. Non. Alors qu'en revanche, en Afghanistan, c'est endémique. Je crois que les Américains qui ont été présents, qui sont encore dans le pays d'ailleurs, ont mené des études très extensives là-dessus, parce qu'ils voulaient savoir un petit peu, bon, c'était quoi la sociologie de l'Afghanistan, c'est quoi les tribus, les trucs. Et ils ont découvert, à leur grande stupéfaction, que l'homosexualité était extrêmement répandue, on en a souvent parlé dans l'émission, mais que c'était de l'ordre de 50%, quoi. Hein. C'est 50% des hommes en Afghanistan se livrent à l'homosexualité sur des enfants, je précise, sur des petits garçons. Ouais, donc, c'est à mon avis, l'islam n'explique pas tout là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Là, quoi, c'est hein. La génétique. Ouais. C'est la génétique, et pour le coup, ça... C'est un arrangement avec certaines pratiques qui, au fil des millénaires, fait que tu as dans ton peuple des détraqués. C'est-à-dire que quand tu bâches les femmes, littéralement, parce qu'en Afghanistan, ils bâchent les femmes. Quand ouais. tu bâches les femmes, que tu interdis aux hommes d'avoir le moindre contact avec des femmes, non seulement oui. tu fabriques des frustrés sexuels, mais... en quantité astronomique, mais en plus tu fabriques des PD. Fatalement. C'est parti d'une bonne intention pour le coup, parce que comme on l'a dit, les Indiens qui eux n'ont pas ce problème de bâchage. Oui, viol. Oui, c'est l'inverse. Ouais. Donc c'est des gens qui ont un problème avec leur bite, oui. effectivement. Oui, c'est voilà, ça. C'est-à-dire est-ce qu'on les extermine tous, enfin, est-ce qu'ils s'exterminent entre eux? Mais bon, je pense qu'au niveau politique. Ça ne sera pas très vendeur qu'il y ait un leader local qui dise bon ben les gars on va exterminer 2/3 de votre famille parce que ce sont des détraqués, ou est-ce qu'on fout un voile sur la tête des femmes? Bon, le voile sur la tête des femmes du coup ça passe mieux, quoi. Oui, c'est indolore par comparaison. Par récurrence, hein, au fil des générations, ça donne des choses bizarres après, ouais. ça donne les bachabazis, ouais. Alors en tout cas, le pays voisin, le Pakistan, s'appelle le pays des hommes purs. Oula, il y a encore oui. du boulot, hein, oui. parce que oui. On y est arrivé, hein, quand même. Hein. Mais les hommes purs, ça me rappelle les Qatars, qui étaient un petit peu bizarres aussi. Ah, j'ai pas d'écho sur les pratiques sexuelles des Qatars, c'est pas un... ils en avaient pas, justement, sauf là, bon, c'est assez spécial. D'accord. Comment dire enfin, en tout cas, les Algériens ont un goût très prononcé pour les travelots. En fait, je pense, vous savez, là j'ai peut-être une petite théorie là-dessus, je pense qu'en fait, le fait de se taper un travelot, c'est pour se donner bonne conscience, en fait. C'est pour... Parce que ces gens-là, je pense qu'ils n'assument pas du tout leur homosexualité. Et que si la personne est déguisée en femme, ils se sentent moins coupables, en fait, de se livrer à ce péché qui, je le rappelle, en islam, est passible de la damnation éternelle. Je ne sais pas si tous les musulmans sont au courant. Parce que beaucoup de musulmans sont musulmans, mais très peu lisent le Coran, paradoxalement. Et je ne suis pas certain que tous les musulmans soient au courant que le fait d'enculer un travelot soit passible des tourments de l'enfer pour l'éternité. Ce serait peut-être bien quand même qu'on leur dise, parce que je sais pas. Bon, vous allez me dire, ça va pas refroidir tous les musulmans, hein. mais bon, ça peut être intéressant. Oui, de leur dire. Tous les musulmans savent que boire de l'alcool est un péché, pourtant. Hein. Oui. Effectivement. Surtout qu'en islam, il y a pas la notion de pardon comme il y a dans le christianisme. Hein. Vous pouvez simplement espérer que Dieu ne soit coulant, en fait. Bon. Quand vous vous intéressez à Allah, la nature d'Allah, comment il transférait dans le texte coranique, vous vous rendez compte que c'est pas une divinité qui est forcément très bienveillante. Hein. Je veux dire, c'est pas tellement. Hein. Donc, je sais pas. Hein. C'est curieux parce que les musulmans sont pas du tout à l'image de la religion qu'ils professent. Enfin, ils le sont par certains aspects, par exemple le côté pillard, agresseur, etc. Mais par certains autres aspects, comme la question de l'homosexualité ou de l'alcool, on a l'impression que c'est des gens qui s'arrangent assez facilement avec leur propre culte, quoi. Donc, je sais pas. Mais bon. Une discussion qui reste ouverte. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose avant qu'on passe à la discussion de notre semaine ? Oui, je rajoute juste que les fameux transgenres qui changent de sexe, lorsqu'ils font leur transition, bah c'est intégralement remboursé par la sécurité sociale. Ah oui, c'est toujours bien de le rappeler quand même. Oui. La sécurité sociale devrait d'ailleurs le faire savoir beaucoup plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de contribuables français qui ne sont pas au courant. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'ils fassent des campagnes de publicité, tu vois, genre des spots sur France 2, etc. Et dire, n'oubliez pas que si vous souhaitez changer de sexe, c'est intégralement remboursé par la sécurité sociale. Faudrait quand même y songer. Je soumets la chose à France Télévisions. Allons de l'avant, soyons plus progressistes. Alors messieurs, quittons la France transsexuelle pour aller aux États-Unis. Parce qu'il se passe des choses aux États-Unis, ça va nous changer. Ça va nous changer de ce qui s'est passé ces derniers mois. Je ne vais pas rentrer dans le détail du point de départ, c'est un peu une excuse, mais... Je vais quand même le résumer à grands traits. Vous avez eu ce qu'on appelle pudiquement un afro-américain dans la ville de Minneapolis, hein, dans l'état du Minnesota, qui a été interpellé par des policiers blancs, plus particulièrement par un officier blanc qui s'appelle Derek Chauvin, probablement qui a des origines françaises, et qui, lors de son interpellation, a subi une neutralisation physique, hein, par l'officier, ce qui a causé sa mort. L'autopsie est en cours. Non, ce qui a précipité sa mort. Quand tu dis que ça a causé, tu t'avances énormément. D'accord. Alors, bref, ça a déclenché une vague de violence raciale depuis maintenant 5 jours que cette vague de violence dure, donc des émeutes raciales qui prennent de plus en plus un tour d'insurrection raciale. Alors il y a beaucoup de choses à en dire, mais je lance la discussion. Alors puisque Derek, tu réagis tout de suite, bah, commençons par le commencement et commençons par l'incident en lui-même. J'ai dit causer, d'ailleurs j'aurais pas dû utiliser ce terme, c'est vrai que c'est pas le terme qui convient, et tu as préféré celui de précipiter la mort donc de l'intéressé. Peux-tu dire à nos auditeurs pourquoi tu préfères ce terme de précipiter ? Alors j'emploie ce terme puisque à l'heure actuelle il n'avait pas été prouvé que la vidéo qu'on a vue donc de ce policier aux origines probablement françaises qui a maîtrisé ce sale nègre là au sol. Et causer la mort. Donc, le lien de de causalité n'est pas établi à l'heure actuelle. Au contraire, il y a eu des expertises médicales qui ont indiqué que, comme tout nègre qui se respecte, ce nègre était mal foutu. Hein, ça fait des années que je le dis sur cette émission, hein, vous le savez maintenant, les nègres sont mal foutus. Donc ce nègre, est, comme tous les nègres, est mal foutu, et avait des maladies bizarres, cardiaques, etc., qui ont fait dire au médecin que ça avait causé sa mort. Donc, effectivement, qu'il ait été. Qu'il ait eu un défaut d'oxygénation, enfin, qu'il ait dû faire de l'hyperventilation quand il était au sol, maîtrisé parce que c'était un nègre qui voulait se débattre à tout prix. Mmh. On parle quand même d'animal sauvage, hein. Enfin, on parle pas d'être humain, quoi. Hein. Voilà. Donc il y a eu cette tentative de se débattre qui a fait montrer son cœur et qui a déclenché. Oui, un arrêt cardiaque, quoi, tout simplement. Hein. Oui, il y avait des troubles. Il y a, je crois, des analyses toxicologiques qui sont à venir. Peut-être avant que l'émission sorte, elles seront sorties. Bon, ce nègre était probablement camé jusqu'au bout des ongles. Voilà. Bon. Oui, non, donc c'est juste pour situer, pour dire, voilà. Comment dire, on a décrété. Non, mais je veux dire, on a décrété. Enfin, les médias juifs, hein, ont décrété le flic blanc coupable. D'ailleurs, j'observe hein, que quand un flic blanc tue un... Enfin, on lui prête le fait de l'avoir tué. Bon, tu l'as bien dit, rien n'est établi à ce stade. Ouais. Mais en fait, tu dis, en fait, simplement, quand un noir meurt alors qu'il est en train de se débattre face à un officier blanc, c'est raciste. Évidemment, si c'était un blanc qui meurt aux mains d'un officier noir, personne ne dit c'est raciste, c'est un crime. Ouais, c'est déjà arrivé, j'ai même plus les noms en tête, mais ça n'a pas de répercussion particulière. Parce que, bon, voilà, c'est comme ça. La vie continue, hein, on est. Non, mais c'est très frappant de voir, oui. Si vous voulez, qu'il y a un a priori antiraciste. C'est-à-dire que, par défaut, un policier blanc, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, est raciste. Si la victime est de couleur. Je veux dire, c'est indépassable. C'est le... Et ça, c'est un prisme. Juif pour une part, marxiste pour une autre, et évidemment c'est le type d'argument qui remporte l'adhésion de 99,99% des colorés, quoi, hein. Mais je veux dire, c'est fascinant de voir ça. C'est que voilà, il y a un incident, bon, il y a un incident avec un flic, bon, ça arrive. Si vous intéressez à l'activité policière aux États-Unis, il y a des chaînes vidéo là-dessus, vous verrez. Vous avez des suspects blancs qui se font abattre par des policiers blancs, vous avez des suspects blancs qui se font abattre par des policiers noirs, vous avez des... Bon, ça arrive constamment, ce type d'incident, etc. Et on sait que la police américaine a beaucoup plus de liberté pour interpeller et neutraliser... comment dirais-je, des suspects. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point et avec quelle facilité, quelle rapidité les médias racialisent ce type d'incident. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une motivation raciale. Mais excusez-moi, cet officier blanc-là, il n'a pas un passif militant qui permet de dire « mais ce mec est un raciste ». C'est-à-dire que rien ne démontre que cet homme-là est raciste. D'accord ? Il a peut-être comme une faute professionnelle, je veux dire. C'est possible, je ne sais pas, je veux dire, je suis pas un... Moi, je pense pas, mais bon, il a peut-être commis une faute professionnelle dans la façon dont il a neutralisé ce suspect. Je veux dire, mais à aucun moment, il y a un élément qui démontrerait ou qui laisserait penser que le type est motivé par la haine raciale. Je veux dire, c'est complètement aberrant, quoi. Je vais aller plus loin que toi, Gandalf, même si je ne suis pas d'accord, parce que il est possible qu'il y ait un abus de force. Ça, c'est possible. La police est violente aux États-Unis. Il n'y a absolument pas le même rapport à la violence de la police. On est dans un cas qui est différent. Donc peut-être qu'il y a eu un abus de force, c'est fort possible. Quoi qu'il en soit, cet abus de force concerne également les blancs. Il y a une vidéo qui, pour le coup, je trouvais beaucoup plus violente, qui concerne un blanc, qui s'appelle Daniel Shaver, qui date de 2016, où cet homme qui est blanc, qui a une vingtaine d'années, est à genoux, les mains en l'air. Un policier arrive, c'est dans un hôtel. Alors cet abruti de Daniel Shaver s'est amusé à jouer avec une carabine à plomb, hein, donc effectivement le policier l'a pensé armé, mais on voit très clairement dans cette vidéo le flic plomber ce fameux Daniel Shaver, mais alors comme un animal. On n'a pas vu des blancs faire des émeutes suite à ça. Pour revenir à ce nègre qui est mort étouffé, effectivement, fort probablement pour des questions de passif médical ou du fait qu'il soit mal foutu, on voit un Asiatique sur la vidéo. Oui. Il y a un Asiatique et le CV du flic a été refait. Effectivement, il a des casseroles au cul qui sont des casseroles de violence policière. Par contre, on n'a rien, on n'a pas retrouvé d'antécédents de racisme. Et ça va très loin, parce qu'ils ont été jusqu'à retrouver des casseroles de sa femme alors qu'elle n'était pas encore avec lui. Et qui a été prise dans une affaire de faux chèques. Ouais, donc ils ont épluché donc tout ils en ont détail. Déjà fait, ils ont déjà épluché le truc. Ils sont effectivement rendus compte que le type avait déjà des affaires d'abus de force. Et je pense que, il n'est certainement pas le seul flic dans ce cas. Mais ils n'ont rien retrouvé de raciste. Et chose qui est magique aux États-Unis, on a des statistiques ethno-raciales. Et l'histoire du Black Lives Matter, c'est du bidon. C'est absolument du bidon. L'idée que les flics, à l'heure actuelle, hein, je parle pas des années 70, l'idée que les flics, à l'heure actuelle, persécuteraient les noirs parce qu'ils sont noirs, est totalement fausse. On a toutes les statistiques ethno-raciales. Il n'y a pas de surviolence, c'est totalement faux. C'est totalement démonté. On a des statistiques officielles qui montrent que... Il y a surcriminalité des nègres, par contre. Hein. Oui, il y a une évidente surcriminalité des nègres. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les crimes interraciaux aux États-Unis sont assez rares. La plupart des crimes sont intraraciaux. Les nègres, oui, c'est très juste. Nègres, oui, c'est très juste. Dans des proportions absolument hallucinantes. Les blancs, lorsqu'ils tuent des blancs, par contre, pour les crimes interraciaux, la moitié de ces crimes sont des crimes perpétrés par des noirs sur des blancs. Et effectivement, je crois qu'un crime un quart des crimes interraciaux, ce sont des blancs et latinos tuant des nègres. Blancs et latinos. J'ai pas retrouvé une statistique qui isolerait spécifiquement les blancs. Mais quoi qu'il en soit, cherchez. On va faire, un forum spécial sur ELB. Mais c'est une évidence. Les nègres sont violents. Et les États ne sont pas surviolents envers les nègres. Moi, je pense que c'est une erreur. Il faut à tout prix rétablir ce qui se faisait en Afrique du Sud à la glorieuse époque. Il faut rétablir les bantoustans. Et laisser les nègres gérer leur criminalité et permettre aux blancs et aux diverses communautés de pouvoir se défendre. C'est ce qui s'est passé pendant les émeutes de Los Angeles. Hein. Les émeutes de Los Angeles, les nègres ont commencé à faire les malins, ils sont frottés aux Asiatiques, des Sud-Coréens en l'occurrence. Je vous laisse imaginer qui a gagné, hein. C'est pas les nègres. Oui, il y avait des Coréens sur des toits, c'était assez marrant. Rooftop Koreans, effectivement. Oui. Alors, moi, j'ai quelques statistiques hein, à fournir quand même pour nos auditeurs, hein, pour qu'on parle factuel. Statistiques du FBI, hein, donc en 2016. Donc, voici ce que ça nous dit. Donc, tout ça, c'est officiel, hein, ce que je dis. Hein, on peut le retrouver en ligne, d'ailleurs. Donc, meurtre pour 100 000 habitants. OK ? 12 meurtres pour 100 000 habitants chez les Noirs. 2,5 chez les Hispaniques, 1,4 chez les Blancs. D'accord ? Donc le rapport du nombre de meurtres par Noir, c'est simple, c'est le décuple, entre les blancs et les noirs. Donc, tout ce que je, toutes les informations que je vais donner maintenant, enfin toutes les statistiques que je vais donner maintenant, accréditent le fait que les noirs sont très violents, beaucoup plus violents que les blancs. Assaut aggravé pour 100 000 habitants toujours, hein, 254 en 2016 pour les noirs, 112 pour les hispaniques, 65 pour les blancs. Les vols pour 100 000 habitants, 104 chez les noirs, 23 chez les hispaniques, 10 chez les blancs. Les vols de véhicules pour 100 000 habitants, 52 chez les noirs, 26 chez les hispaniques, 15 chez les blancs. Les viols, intéressant ça, 13 chez les noirs pour 100 000 habitants, 7 chez les hispaniques, 4,4 chez les blancs. Prostitution, le taux de prostitution pour 100 000 habitants. 28 pour les noirs, 9,4 pour les hispaniques, 5,9 pour les blancs. Les violations qui sont liées à la détention d'armes, 130 pour les noirs, 42 pour les blancs, 42 pour les hispaniques, 23 pour les blancs. Je pourrais aussi parler du jeu, etc. C'est peut-être pas très, très intéressant, pas très pertinent, mais là aussi, les statistiques sont quand même assez frappantes. Les atteintes aux réglementations du jeu, donc le jeu clandestin, c'est pour les Noirs, c'est 3,5 pour 100 000 habitants. Les Hispaniques, c'est 0,9, donc pratiquement 1. Et les Blancs, c'est 0,4. Donc les Noirs sont aussi plus enclins au jeu clandestin que les Blancs, mais de l'ordre de 6 ou 7 fois plus, quoi. Donc, les chiffres que je vous ai donnés, là, attestent simplement de la surcriminalité nègre aux États-Unis. Ensuite, quand on parle du rapport entre les blancs qui tuent des noirs aux États-Unis et l'inverse. Alors, c'est simple, le rapport en chiffre absolu est de 1 pour 3. C'est-à-dire que il y a 3 blancs qui sont assassinés par des noirs pour un noir assassiné par des blancs, déjà d'une part. Mais quand vous intéressez à la proportionnalité, c'est-à-dire, parce que, évidemment, il y a 40 millions de Noirs aux États-Unis, mais il y a 200 millions de Blancs, donc la proportionnalité est différente. Donc, ça, ce que je vous ai donné, les chiffres, là, sont des chiffres absolus. Mais quand on bascule sur la proportionnalité, on se rend compte qu'on est bien au-delà. Hein. On est à pratiquement 1 pour 20, quoi. Donc, pour un Noir abattu par des Blancs, en proportionnalité, chez les Noirs, c'est 20 fois plus. Voilà. Bon, ça, c'est des chiffres très concrets. Ensuite, il y a les chiffres des officiers blancs tuant des Noirs et des officiers noirs tuant des Blancs, etc. Bref, en fonction du nombre de cas où des personnes ont été abattues par la police aux États-Unis, par race de l'officier, qu'est-ce que ça nous donne sur la base des statistiques officielles donc du FBI? Eh ben, on découvre quoi? On découvre en fait que les Noirs ont moins de chances de se faire abattre par un officier blanc que l'inverse. C'est les statistiques qui le démontrent. En fait, il n'y a pas de surmortalité noire face aux officiers blancs. Ça n'existe pas, ça n'a aucune espèce de réalité statistique. Ça n'existe pas. Alors des gens vont dire, oui, mais on sait pas bien, parce que c'est peut-être truqué, ils escamotent les chiffres. Etc. Non, vous savez pourquoi? Parce que toutes les interventions policières sont filmées. Toutes, absolument toutes. Elles sont toutes filmées. Donc on peut voir les circonstances dans lesquelles des suspects sont abattus. Parce que les officiers de police ont des caméras soit sur leurs lunettes, soit sur, en général c'est leurs lunettes d'ailleurs, mais même sinon sur leur corps, quoi. Donc quand ils interviennent, tout est filmé de leur point de vue, en plus des caméras de vidéosurveillance et des caméras aussi qui sont intégrées dans leurs véhicules, parce que tous les véhicules de la police américaine sont équipés de caméras. Donc tous les policiers sont constamment surveillés, et les officiers de police, surtout les officiers blancs, se savent constamment surveillés par les autorités. N'est-ce pas? Ils n'ont pas carte blanche. Ils n'ont pas carte blanche. Et les statistiques le prouvent. Il n'y a pas de surmortalité noire. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas d'officier blanc qui tue comme ça à l'aveugle des gens. Et dans le cas d'espèces là, et j'en termine, dans le cas d'espèces qui nous intéresse avec ce George Floyd à Minneapolis, on peut peut-être imaginer que Je ne sais pas quelle est quels sont les protocoles de la police à Minneapolis, donc je ne sais pas comment ils interpellent d'habitude les gens. Est-ce que ce mec-là a respecté les mesures qui sont recommandées et pour lesquelles ils sont entraînés? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de motivation raciste. Aucune. Mais tous les médias partent du principe que si un noir est maîtrisé par un officier blanc et qu'il s'avère que peu de temps après il meurt, c'est par définition raciste. Expliquez-moi. Qu'est-ce que ça démontre, ce truc? Ça démontre qu'en fait, les médias sont racistes envers les blancs. C'est-à-dire qu'il y a un présupposé racial au détriment des blancs dans l'interprétation des faits divers. C'est-à-dire que si jamais un officier blanc se retrouve dans une affaire comme ça, on vous dit « Ah oui, il avait une motivation raciste. Pourquoi ? Parce qu'il est blanc. » Donc, c'est son appartenance raciale qui conditionnerait, avant même qu'on sache de quoi il retourne, la nature de son geste, ce qui est hallucinant. Donc c'est des gens qui toute cette agitation et toute agitation dans les rues et agitation médiatique qui se déroule sous nos yeux, qui se fait au nom de l'antiracisme, est en fait uniquement motivée par la haine anti-blanche. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si jamais on doit trouver quelques bribes de racisme que ce soit dans cette affaire, c'est du racisme anti-blanc. C'est ça qui est fascinant. C'est extraordinaire, mais bon, c'est comme ça, c'est raccord avec l'idéologie dominante, et puis ça fait 50 ans aux États-Unis aussi que cette idéologie anti-blanche est au pouvoir, hein. Depuis les années 60, c'est le rythme auquel vivent les Américains, hein. Les Américains blancs, j'entends. Donc voilà, donc... Absolument. Alors, il y a une... Je pense que nos auditeurs ont vu la vidéo qui a été faite par Sanglier Sympa, je crois, sur la fac d'Evergreen. Et il y a une scène absolument surréaliste. On voit les étudiants gauchistes qui, en voyant arriver la police du campus, régler un incident, automatiquement, ces cons de blancs, pour le coup, sont vraiment des abrutis, vont automatiquement se mettre entre la police et les étudiants noirs en pensant les protéger de la police. J'ai trouvé ça totalement surréaliste. Eh bien, on a vu ce genre de scène se reproduire un nombre assez incalculable de fois dans les émeutes aux États-Unis. Et je vous le dis, ça risque d'arriver en France avec les gauchistes français. D'ici peu. Moi, je suis très favorable au fait que les gauchistes blancs servent de bouclier humain aux nègres. Hein. Je recommande ça. Je suis très favorable. J'aimerais le voir. Mais il y a quelque chose de très pitoyable dans ce type d'attitude, parce qu'évidemment, ce sont des gens qui assument leur condition de paillasson racial des races de boue. Hein. Voilà. Mais après, moi, je suis pas pour empêcher les gens qui ont ce type de préoccupation d'accomplir leurs rêves. Hein. Moi, je veux dire. Si un communiste blanc a envie de se prendre une balle pour sauver un nègre, dans le cadre d'une émeute où la police réprimerait... Alors, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, bien sûr, évidemment, ce sont des mythomanes. Hein. Ils aimeraient vivre... Enfin, ce sont des gens qui vivent par procuration. Hein. Ils aimeraient exister dans leur lutte manichéenne, mais ça n'existe pas. Mais c'est très narcissique, tout ça est très narcissique. Hein. Tous ces blancs sont très narcissiques, hein. ils ont envie de jouer le beau rôle, etc. Parce que, d'ailleurs, les noirs eux-mêmes, les activistes noirs appellent eux-mêmes le syndrome du sauveur blanc, qui existe, hein, qui est très réel. Hein. C'est par exemple typiquement la connasse de gauche de 25 ans qui va en Afrique pensant sauver les négrillons et qui fait des photos avec des négrillons qu'elle pense avoir délivré de la famine, vous voyez. Bon, bah, ce syndrome-là, il existe, hein, et je suis désolé de le dire, mais c'est très raccord avec la mentalité chrétienne. Hein. C'est un fait, hein, c'est... Bon, il y a... Là aussi... Mais je pense que ça préexiste, hein. Là aussi, on parlait de l'Afghanistan, je pense que c'est une tendance, hein, je veux dire, l'altruisme pathologique est quelque chose qui existe chez les Blancs biologiquement, hein. Je pense qu'il y a un vrai gros problème à ce niveau-là. Et c'est évidemment, alors maintenant, avec des médias juifs, c'est très encouragé. C'est pas un problème, c'est le problème. C'est le problème, tu as fait raison. S'il y a un problème à désigner parmi tous les problèmes qu'il peut y avoir, c'est l'altruisme pathologique, pour le coup. Hein. Oui. Oui. C'est la tare des Blancs. Hein. C'est vraiment la tare des Blancs, ouais. C'est ce besoin de vouloir sauver nos ennemis, quoi. Ça, c'est un... c'est un vrai problème. Et du coup, je veux dire, quand on parlait de l'Église tout à l'heure, quand j'ai dit que l'Église avait finalement intégré la critique marxiste dans sa perception du monde, bah, c'est ce qu'on voit là avec cet événement. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont totalement imbibés de marxisme. La plupart d'ailleurs ne l'ont pas du tout conscientisé. Hein, simplement, ils ont absorbé des slogans, des mots d'ordre, des idées préconçues qui sont véhiculées par la gauche et l'extrême gauche depuis maintenant un très long moment, hein, depuis des décennies. Et donc, quand ils voient une situation, leur présupposé marxiste prend tout de suite le dessus sur l'interprétation de ce qui se passe. Et ce cas d'espèce est vraiment flagrant. Donc c'est ce qui se passe quand vous contractez ce sida mental qu'est le marxisme, c'est-à-dire vous mettez en accusation les Blancs, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, peu importe les faits, peu importe les statistiques, peu importe ce qui est vérifiable, vous mettez en accusation les Blancs. Ça, c'est le présupposé fondamental du marxisme juif, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a sous les yeux, et c'est un phénomène social de grande ampleur. Alors évidemment, ce qui nous pose problème, moi, c'est pas que les races de boue soient excitées contre les flics blancs, ça m'indiffère, encore qu'aux États-Unis, je tiens quand même à le dire, attention, on n'allait pas imaginer que la police aux États-Unis est intégralement blanche. Hein. Je veux dire, là, il faut vous sortir ça de la tête, hein. La police américaine, elle est multiraciale. Même si quand elle est blanche, ça ne les empêche pas d'être des énormes coqs. Ah bah, on a vu des images, là, ces derniers jours. Alors moi, j'ai vu à Flint. C'est une ville d'extrême gauche, hein. Peuplée de nègres. Mais... C'est une ville peuplée de nègres, c'est tellement truffé de nègres qu'ils n'arrivent plus à gérer. Oui, que l'eau n'est plus potable. En eau. Oui, l'eau est bourrée de plomb. Et tu as le shérif de Flint, l'espèce de type qui traîne dans les salles de sport, sûrement, enfin, probablement homosexuel, parce qu'il y a vraiment une gueule bizarre, peut-être juif d'ailleurs, qui est allé dire oui, on se jouait à vous pour pas que ce soit une parade, soit une parade contre eux, les autres. Bon. Ah oui, et on voit le flic défiler donc avec des nègres surexcités en tenant la banderole. Oui, je veux dire, donc le flic en uniforme, attention, hein, il porte le képi, etc. Il défile avec les. Oui, c'est de ça dont on parle. Oui. Voilà. Bon, il faut quand même mesurer le degré de dégénérescence, d'infiltration et de subversion de la société américaine. Je veux dire, on est très, très, très éloigné de l'Amérique des années 50, exactement comme en France, on est très éloigné de la France des années 50. Hein. On ne parle plus du tout de la même société. Et donc, vous avez maintenant des flics qui sont du côté des communistes. Mais ça, c'est très normal. Hein. Je veux dire, il n'y a rien d'anormal dans une société qui s'est laissée complètement bouffer par les juifs, qui a fait 50 ans de promotion de la négritude, de politique de repeuplement. Il y a maintenant 100 millions de non-blancs aux États-Unis, si c'est pas davantage. C'est un pays qui sera à minorité blanche dans 20 ans. C'est un pays qui a organisé sous l'influence des juifs, médiatiquement et au plan universitaire, enfin, de tout ce qui concerne, je veux dire, la fabrication de la culture dominante, c'est un pays qui a organisé son suicide. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, les États-Unis, c'est un pays qui ne restera pas unifié 20 ans. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est un pays qui va faire face à des puissants mouvements séparatistes. Ça, c'est sûr. Vous savez bien que tous les anciens États qu'ils ont annexés face au Mexique, type Texas, type Nouveau-Mexique, Californie, vous pensez bien que tous ces États vont faire sécession à la première occasion. C'est évident, ils sont complètement repeuplés de Mexicains, etc. Ça fait pas l'ombre d'un doute que ces États-là vont faire sécession avec l'aide des marxistes blancs. Hein. Il y aura quelques gauchistes blancs, des fils de bourges, hein, qui se feront massacrer après, d'ailleurs. C'est inévitable. Oui, il faut reparler de l'implication des antifas et des démocrates. Les antifas sont un phénomène très nouveau aux États-Unis. Ils se sont développés par la campagne anti-Trump, qui en fait ne s'est pas arrêtée à l'élection de Donald Trump, hein, puisqu'elle a continué pendant 4 ans. On a eu 4 ans d'agite propre, ininterrompu. Je crois que c'est une. Je crois que on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu de campagne présidentielle de 4 ans qui dure tout un mandat. Ouais. Et ces Antifa, qui effectivement reprennent toute la phraséologie de gauche, qui pour le coup vient du continent européen et de Hongrie, hein, de l'implication de George Soros et des facs françaises, tous ces putains d'Antifa sont persuadés qu'ils vont pouvoir faire la révolution avec les nègres. Mais on ne parle pas de la même révolution. Nous, on a un exemple typique avec, en France, avec ce qu'on appelle les pieds rouges, donc qui sont les porteurs de valises, et des gens qui ont vu dans la guerre d'indépendance en Algérie une forme de révolution marxiste, eh bien, il ne reste plus aucun. Il n'y a plus de descendants de pieds rouges en Algérie. Donc ne rêvez pas, les antifas, ceux qui peuvent nous écouter. Vous n'aurez pas de place à table en manipulant les nègres. Hein ? Ces gens-là ne vont pas vous faire rentrer dans leur famille. Ils ne vous aiment pas, d'ailleurs, ils ont absolument raison. Et vous ne ferez jamais partie de leur famille, de leur tribu. Même en vous négrifiant mentalement ou physiquement. Hein, ne rêvez pas. Oui, ouais, c'est tout à fait certain. Hein, mais c'est un profil psychologique tout à fait particulier. Hein. Et d'ailleurs aussi souvent physique. Hein, il y a une morphologie de l'antifa. Hein. C'est un type humain. Oui, alors surtout les femmes aux États-Unis. Oui. Celles que j'ai vues en première ligne étaient particulièrement grasses. Mais tu sais, c'est même pas la femme grasse qui travaille au champ et qui est charpentée. Non, non, non. Elles sont grasses sans avoir de forme. Il y a un truc qui est terrible aux États-Unis, c'est les gens sont tellement gras que, comment dire, même les lombaires sont gras en fait. Tu distingues même pas les fesses et les seins. Tout est gras, c'est une sorte de tronc de graisse. Et ça, c'est tout nouveau. Un tronc de graisse avec des tatouages absolument immondes, des cuisses totalement grasses. Et en plus, elles s'exhibent parce qu'elles n'ont même pas la décence de s'habiller correctement. Ouais, elle met des mini-shorts. Avec des teintures, avec des épaules grasses, totalement informes. C'est vraiment, c'est la ligne de notre race. Hein. Il faut vraiment que ces gens sortent de notre pool génétique. J'espère ici, vraiment. Ici, emploi. Hein. Oui, ouais, ici, emploi, mais je pense que les hommes doivent être vraiment intransigeants face à ce. Les hommes blancs, hein, j'entends. Doivent se montrer totalement intransigeants face à ce genre de femelles dégénérées. Il faut les sortir impérativement de notre pool génétique. Alors, ça fait 5 jours que ça dure, hein, les violences raciales. Moi, je pense que ça va durer beaucoup plus. Alors, je sais pas si ça sera en continu, mais je pense que tout l'été sera très très violent, notamment parce que nous nous approchons des élections présidentielles. Alors, il faudrait se poser la question, justement, dans quelle mesure ces événements sont instrumentalisés ou pas. Alors, comme tu l'as dit, parce que c'est un peu ce que tu as esquissé, Magdav, en disant, voilà, le mouvement Black Lives Matter a été créé contre Donald Trump en 2015. Et t'as raison, c'est un mouvement qui a été constitué pour ça. C'est un mouvement électoraliste. On n'en a pas entendu parler pendant 4 ans. La campagne anti-Trump médiatique, elle a continué non-stop. Mais, je veux dire, l'activisme de Black Lives Matter s'est complètement estompé après la victoire de Trump. Et maintenant qu'on arrive à 6 mois de l'élection présidentielle de 2020, comme par hasard, on voit ce mouvement se redonner vie et démultiplier son activisme. Alors il y a des vidéos qui circulent, on a vu, le site a diffusé cette vidéo-là notamment, où on voit des activistes blancs d'extrême-gauche qui donnent du cash, qui donnent de l'argent liquide de la main à la main, à des noirs en leur disant voilà, il faut bloquer telle rue, tel truc. Donc ce sont des manifestations qui sont savamment organisées, planifiées, à tel point que, d'après les rapports que nous avons maintenant, d'ailleurs qui sont corroborés par le gouvernement américain, hein, c'est les communications du ministre de la Justice américain qui le disent, nous avons affaire à des groupes donc d'extrême gauche, des groupes communistes, qui ont un schéma d'action fédéral. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, on est sur un système d'État fédéré, dans le cas d'une fédération, mais les différents États ont, même s'ils sont régis par une loi fédérale unique, ont quand même des différences en matière de politique intérieure, etc., notamment sur la gestion de l'ordre, etc. Et ces gens-là se déplacent d'un État à un autre, d'une capitale d'un État à une autre capitale, c'est ce qu'a dit ce qu'ont déclaré les autorités, il y a un effort concerté. Ça ne nous surprendra pas, je veux dire, nous, on ne sera pas étonnés de savoir que des antifas se déplacent d'une ville à une autre pour organiser une manifestation ou organiser des troubles. Donc, on a affaire à une stratégie, c'est clair. Donc, et cette stratégie, parce que pour déplacer des gens, pour payer en cash des activistes ou les faire soudoyer des nègres pour foutre la merde, il faut des millions et des millions et des millions de dollars. Et ça, c'est pas les cotisations de Toto, le militant anarchiste, qui le permettent. Hein. Donc on parle de moyens financiers considérables, et qui sont versés dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc, pas besoin d'aller chercher très très loin, il suffit de porter le regard sur le Parti démocrate, et surtout les gros donateurs du Parti démocrate, qui sont des milliardaires, notamment des milliardaires juifs, pour voir qui est derrière tout ça. George Soros, en 2015, avait financé des troubles. On l'a su, ça a été documenté. Sa fondation, qui s'appelle la fondation Open Society Foundation, a été, prise la main dans le sac en train de financer des agitateurs lors des meetings de Trump, si vous en rappelez. Il y avait des gens qui essayaient d'infiltrer les meetings de Trump pour lui couper la parole, pour l'invectiver, pour l'insulter, etc. On a su plus tard, même pour organiser même des RICS. On a su plus tard, on a pu prouver que ces mecs-là étaient financés par Soros, notamment Soros. Donc on est exactement sur ce schéma-là, mais je vais vous dire une chose. Ils se sont dit que la dernière fois, ils avaient été beaucoup trop timorés. Beaucoup trop timorés. Cette année, le candidat qu'ils ont, c'est Joe Biden. Bon, c'est pas génial, hein. Ils savent très bien que ça n'attire pas les foules. Donc Trump a une réelle chance d'être reconduit. Et ils se disent qu'il faut déjà anticiper la défaite. Il faut déjà anticiper la défaite. Qu'est-ce que j'entends dans par là le cas de... Oui, je voulais dire une chose, excuse-moi de t'interrompre, mais vas-y. Dans le cas de Soros, il a dit en janvier au forum de Davos, ça a été filmé, que la présidence de Trump durait encore quelques mois, ce qui, on pouvait penser que ça irait vite, mais que dans un contexte d'insurrection, ça durerait une éternité, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est intéressant, c'est très révélateur. Ce que tu dis là, c'est pas le genre de propos qu'il prononce à la légère, donc ça a d'ailleurs un caractère de menace plus qu'autre chose. Donc, pour moi, c'est un élément intéressant qui corrobore ça. C'est-à-dire, je pense en fait que, bon, idéalement, ils aimeraient faire battre Trump. Donc, l'idée avec, au minimum, un des points de ces émeutes, c'est déjà d'envoyer le message à tous les nègres des États-Unis et à tous les hispaniques, votez et votez bien. Donc, allez voter et votez bien, c'est-à-dire votez démocrate. Ça, c'est le premier truc. Mais plus fondamentalement, je pense que ce qui dérange Trump... Trump a fait énormément de concessions aux Juifs. C'est indéniable. Vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'Iran, il y a toute une série de choses sur lesquelles il a vraiment capitulé. Je ne parle même pas de son mur, où bon, il se passe rien, le renvoi des migrants clandestins, bon, c'est inexistant, etc. Bon, mais il a été aussi paralysé par des juges, etc. Bon, bien. Mais, visiblement, il a encore une capacité de frein aux yeux ce qu'on appelle l'État profond, mais enfin, bon, les Juifs, quoi. Les Juifs et leurs associés, quoi. Visiblement, ils freinent trop. C'est-à-dire qu'ils freinent trop, ils veulent aller vers quelque chose. On a vu notamment sur le confinement, on a vu que Trump a essayé d'en sortir le plus vite possible. Il voulait d'ailleurs le précipiter en organisant un G7 à Camp David. Là. Il, a, Il voulait dire que ce serait un super signal si les leaders du monde pouvaient venir pour dire qu'on reprend tout comme un drink. Et Angela Merkel lui a dit non, je viens pas. À cause du coronavirus, vous voyez. Et on sait très bien que le coronavirus, on en a parlé abondamment, a été surtout un moyen pour mettre en coupe réglée encore plus les sociétés occidentales. Donc, pour moi, au minimum, ils planifient l'après en cas de victoire de Trump. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, de toute façon, si le type il gagne, ça sera le chaos. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si vous avez un climat de guerre civile 6 mois avant l'élection, et que progressivement vous montez en pression, en payant des nègres pour aller tout incendier, tout cramer, en hurlant au racisme systémique, aux violences policières, en obtenant finalement, au bout d'un moment, à force de créer des troubles, un nègre abattu par des flics, etc., donc alimentant encore plus l'incendie, et qu'on arrive à l'élection et que Trump gagne, vous imaginez ce qui se passerait la nuit même de sa victoire. Le pays serait à feu et à sang, quoi. Ce qui peut aider l'état profond, en fait, à littéralement renverser. Parce qu'après, imaginez bien qu'on pourrait lui foutre sur le dos, à mi-mandat, dire « Ah oui, mais en fait, vous avez donné un ordre qui a permis d'abattre des citoyens américains. » Enfin, déjà, ils peuvent tourner ça comme ils veulent, en disant « Ouais, vous avez fait tirer sur la population. » Vous devez être destitué, vous voyez. Enfin, je veux dire, il pourrait monter quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on va vers, vraiment, je pense qu'on va vers une, pour le coup, je pense qu'on va vraiment vers une guerre civile. C'est beaucoup plus profond, ceux qui sont derrière ça, les planificateurs qui sont derrière ça, sont beaucoup plus ambitieux qu'en 2015. Beaucoup plus ambitieux. Parce qu'ils savent que derrière Trump, c'est surtout l'électorat blanc qui a voté Trump le problème. Et c'est un problème beaucoup plus profond, quoi. Donc, ces gens-là, il faut en venir à bout. Et apparemment, ceux qui sont aux commandes veulent réaliser leur coup d'État, je dirais même leur révolution, pour s'assurer que les Blancs ne relèvent plus jamais la tête aux États-Unis. C'est mon sentiment. Ouais, parce qu'en plus, par capillarité, si cette guerre civile continue, elle viendra en Europe, et toutes les conditions en Europe sont réunies pour avoir les mêmes effets. Nous avons des gouvernements qui ne savent pas quoi faire quand ils ont une fausse pandémie. Qu'est-ce qu'ils vont savoir faire s'il y a des communautés de nègres, de musulmans et compagnie qui commencent à bouger? Alors, c'est là où moi je suis pas d'accord, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est que aux États-Unis, la démographie des nègres est maîtrisée depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, t'as raison, mais pas de l'immigration et des populations de couleur qui s'amalgament. Oui, s'amalgament plus ou moins. C'est-à-dire que quand les Latinos voient des nègres traîner autour de chez eux. D'accord, mais ils sont toujours d'accord pour foutre les blancs en minorité et les faire saigner. D'accord, mais dès qu'il s'agit d'émeutes raciales, pour le coup, ce sont des émeutes raciales. C'est les nègres. Hein. Et le nègre, aux États-Unis, est empêché de proliférer. Il arrive à perdurer, on va dire. Il garde une proportion qu'il a même depuis plusieurs décennies, hein, c'est-à-dire aux alentours d'entre 10 et 15%, ça bouge pas plus au niveau de la démographie, et ça n'est pas, la même. Le nègre, on parle quand même de mammifères, la reproduction particulièrement importante. Hein, c'est prolifique. Sont extrêmement prolifiques, et malgré une activité prolifique, il n'évolue pas. Bon. Les conditions, environnementales ne sont pas propices au développement de la population nègre, en tout cas au niveau des États-Unis. En France, ça n'est pas du tout la même chose, Hubert. Pas du tout la même chose. En France, le nègre a trouvé la terre promise. La France est l'Israël du nègre. Il arrive, il s'assoit, On lui donne de l'argent, il chie des nègres. Voilà, il chie littéralement des nègres pour se multiplier. Ça n'est bah, c'est pas, pareil. C'est pas contradictoire avec ce que dit Fulbert. C'est-à-dire que Fulbert dit... au contraire, je veux dire, tu accentues le propos de Fulbert. C'est-à-dire que tu dis, voilà, si jamais il arrive quelque chose en France, ça sera pire, peut-être même. Je sais pas si ça sera le cas, d'ailleurs, mais... ce que Fulbert dit, c'est que comme la situation de la société en Europe occidentale, en France, en Belgique, est grosso modo identique à celle des États-Unis, il n'y a pas de raison d'imaginer que ça ne s'étende pas à ces pays européens. Les nègres ou les Arabes, d'ailleurs, sont beaucoup plus arrosés de pognon. Oui, c'est vrai. En Europe et en France en particulier, surtout en France, hein, où l'État est exclusivement destiné à nourrir ces enfin, attention, hein, ces créatures. Les nègres ont beaucoup de pognon aux États-Unis, il ne faut pas raconter. On les arrose aussi, on les arrose. Oui, hein, non, mais pas, l'État, ils n'ont pas l'opportunité, ils sont bien, c'est-à-dire qu'ils prolifèrent de manière tout à fait exponentielle sans qu'ils n'aient à se plaindre. Oui, tu oublies une chose. Il y a eu une manifestation à Paris samedi, donc hier. Mmh. Oui. C'était les nègres français ou les nègres clandestins qui arrivent de partout et pour lesquels les frontières européennes restent pratiquement ouvertes, du moins à l'intérieur de l'Europe, comme en France, en Belgique, en Hollande et compagnie. Oui, oui, non, tout à fait. Il y a les nègres, ce sont les nègres étrangers qui arrivent à cette... Exactement. C'est une manifestation. Alors c'est une manifestation. Pour, tu m'as parlé en plus des pancartes écrites, en langue inclusive. C'est bon, ça. Le truc est monté de toutes pièces par des gauchistes, des étudiants, hein, et des profs trotskistes qui savent pas que foutre depuis qu'ils sont confinés. Donc ils ont monté ce truc-là. Ben justement. Il n'y a pas eu de voitures cramées, etc. On n'est pas au niveau de violence, on n'est pas au niveau d'intensité qu'il peut y avoir aux États-Unis. Et j'ai envie de te dire, il y avait le ramadan, la fin du ramadan la semaine dernière. Moi, je m'attendais un petit peu à ça, le ramadan confiné, etc. Je suis extrêmement déçu de ces sales bougnoules. Ça a été relativement calme. Hein. Il y a eu, pendant le confinement, des événements à droite à gauche, mais il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Hein. Bah, je te rappelle quand même qu'il y a quand même 40 000 à 50 000 véhicules qui brûlent chaque année en France. Et ça, ce n'est juste qu'une... Ouais, c'est normal. Qu'un des aspects. Donc, je pense que c'est quand même très violent, mais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont simplement pas rapportées. Et que surtout, ce qui frappe aux États-Unis, c'est que tout se passe au même moment, dans des endroits où tout est filmé. Donc, je pense que ça joue beaucoup, parce que je tiens à le dire, hein, 99% du territoire américain est parfaitement calme au moment où on parle. Hein. Ce sont des événements qui se déroulent dans les grands centres urbains américains, donc qui ne sont pas du tout représentatifs de l'Amérique profonde, par exemple. Hein, ça, c'est clair. Hein. Donc, on est sur des villes comme, effectivement, on l'a vu quand même, des troubles, hein, dans le sud, là, à Richmond, dans le Tennessee, etc. Mais sinon, grosso modo, c'est les villes qu'on connaît. Portland, c'est un noyau anarcho-communiste, ça, bon, bref. Mais comment dire, je suis d'accord avec Fulbert quand il dit que le mouvement pourrait faire tache d'huile. Alors, je sais pas si ce sera maintenant, mais c'est ce que je disais avant l'émission aux participants. Je pense qu'il viendra un moment où, pour des raisons raciales, c'est-à-dire qu'en fait les frontières des États-nations ne voudront plus rien dire dans le monde occidental, déjà qu'elles veulent plus dire grand-chose, mais elles voudront encore moins dire quelque chose dans ce futur-là, pour des raisons strictement raciales, c'est-à-dire que quand un nègre se fera, se retrouvera dans le même type de controverse que George Floyd, là, à Minneapolis, avec des émeutes raciales aux États-Unis, nous aurons des émeutes raciales en France. Mais c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de frontières politiques, administratives ou culturelles. Pourquoi ? Elles seront dépassées par les frontières raciales. C'est-à-dire que le sentiment de solidarité raciale vis-à-vis d'un nègre tué aux États-Unis par un blanc s'exprimera de la même façon sur le territoire français au même moment. Ce phénomène encore plus rendu encore plus aisée par les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en temps réel, vous pouvez savoir ce qui se passe à Détroit, à Chicago ou à Dallas, et partager ça avec vos collègues de banlieue, comment dirais-je, à Argenteuil. D'accord ? Donc la notion de... Enfin, l'espace-temps a été considérablement restreint, ce qui me fait dire que le paradigme racial va devenir encore plus central dans les années qui viennent. Ça me paraît évident. Non pas du fait des Blancs, parce qu'on prête aux Blancs le racisme, c'est ça qui est fascinant, on dit le racisme, c'est comme si les Blancs pensaient le racisme. Non, il n'y a pas plus antiraciste que les Blancs. C'est les Blancs qui veulent absolument ne pas penser la race, c'est ça qui est fascinant. Alors que les Nègres pensent racialement en permanence. Il y a des... si on peut, que les Blancs le qui penser. Sont antiracistes. Oui, voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'ils sont... C'est pour ça qu'il y a les phénomènes qu'on voit, c'est-à-dire des gauchistes blancs qui acceptent de jouer les serpillères dans les manifestations de nègres. C'est... L'inverse n'existe pas. Vous ne verrez jamais des noirs vouloir servir volontairement de bouclier humain à des nègres sur la base du bénévolat. Enfin, ça n'existe pas. Donc, on parlait d'altruisme pathologique, on est là-dedans. Donc, je pense que cette réalité raciale-là, on va la voir. Je ne sais pas quand. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, etc. Il y a des choses qui sont similaires qui se passent en France. Vous savez, avec les trucs comme... Le gang Traoré là, voilà, bon, ces trucs, c'est du même topo, c'est-à-dire que les mecs disent ah, la police est raciste, bon bref, mais il viendra un moment où ces trucs là vont converger. Vous n'aurez plus besoin d'avoir une affaire franco-française entre guillemets, même si c'est pas très français, mais qui se passe en France, qui est pour déclencher des émeutes. Ça ne sera plus nécessaire. C'est tellement vrai, et j'en termine, que j'ai vu sur Twitter, le Twitter anglophone, le nom d'Adama Traoré sortir. C'est-à-dire que les types qui étaient excités par rapport à Floyd à Minneapolis, des dizaines de milliers d'entre eux, ont cité Adama Traoré en un cas en France. Et c'était en langue anglaise. Hein. C'était en langue anglaise. Donc, c'est ce phénomène qui est en train de se former. Ouais. En plus, moi j'aimerais ajouter une petite chose. Demain, lundi, à Bruxelles, qui est capitale de la Belgique, comme vous le savez, mais aussi de l'Europe, il ne faut pas l'oublier, il y a une manifestation qui démarre à 14h. Tenez-vous bien, c'est organisé par Black Lives Matter Belgium. Bon, ça n'a l'air de rien. Si vous regardez la presse belge sur Internet, vous pourrez faire un constat. C'est qu'il y a quelque chose qui diminue relativement et autre chose qui apparaît. Ce qui diminue, c'est la crise du coronavirus. Il y a toujours des experts qui sont appelés, qui racontent des conneries. Mais il y a de plus en plus des articles consacrés, des témoignages tout à fait tendancieux, comme par exemple une tenniswoman, dont j'ai oublié le nom, qui est une négresse, qui a battu Venus Williams, je crois, l'année passée. Ou Serena Williams, pardon, qui a été connue comme ça, qui dit voilà, serais-je la prochaine à me faire assassiner par les flics, sous-entendu. Il y a des gens qui ont été tagués à un train belge, hein, un train où il était écrit en grand sur au moins 3 wagons I can't breathe, je ne peux pas respirer, ce que disait George Floyd. Et tout ça est ramené par la presse. Et plus il y a des articles dans ce sens, et moins on parle du coronavirus. Donc moi j'ai tendance à croire, parce que je suis un imbécile de blanc, que la crise du coronavirus, sa pseudo-pandémie, a carrément échoué, et qu'elle est remplacée par une autre stratégie qui dépasse nos gouvernants. Et que cette stratégie est mise en place, et elle démarre aux États-Unis, parce qu'il y a certaines conditions... où ceux qui l'organisent sont plus efficaces aux États-Unis que directement en Europe, et que probablement l'Europe, à leurs yeux, ne vient qu'au second plan. Mais ça va passer. Oui, oui, c'est tout à fait. Je pense que tu as raison. C'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie, pour le coup révolutionnaire, de mise en coupe réglée, quasiment de nature bolchevique. Des pays occidentaux. Hein. Pour moi, c'est clair. parce que, écoutez bien, vous avez vu comment les médias se sont comportés avec la pandémie de Covid, pandémie imaginaire qu'ils ont construite toute pièce, bien sûr. Donc quand les médias reçoivent un ordre, ils appliquent. D'accord ? Donc quand il s'agit de distribuer des mots d'ordre, ils appliquent. On l'a vu donc avec le coronavirus. S'ils voulaient, ils pourraient ne pas parler de ce qui se passe, enfin de cette histoire de aberrante, là, simplement de nègre. Un nègre est mort avec un flic. Oui, bon, c'est pas l'événement de l'année, entre nous soit dit. Hein. Donc ça pourrait ne pas être traité, en réalité, parce que c'était complètement anecdotique. Or, il a été décidé, visiblement, par tous les grands médias, de chauffer à blanc les nègres et les gauchistes. Donc c'est voulu. Donc c'est une stratégie de la tension, et une stratégie de la tension à grande échelle. Et on voit que effectivement, comme tu le dis, il y a des porteurs d'eau dans les pays européens qui essayent d'allumer le truc, comment dire, chez nous. Et moi je le dis, hein, je veux dire, à l'heure des smartphones, d'Instagram, des pop stars américaines de couleur qui font des numéros là, comme au Louvre là, c'était Jay-Z et qui ? Je crois que c'était Jay-Z et c'est qui là ? Beyoncé. Et Beyoncé, ouais. Bon voilà, je veux dire, ils privatisent le Louvre pour twerker devant la Vénus de Milo. Bon, si vous voulez, quand on en arrive là, la globalisation, c'est-à-dire la judéo-américanisation de l'Europe, elle est très avancée. Donc, fatalement, parce qu'en plus, la judéo-américaine, vous savez, on dit souvent la négrification mentale des Blancs ou la bougnolisation mentale des Blancs. On en parle souvent dans l'émission et on en parle souvent par rapport à la musique. Il y a un an, on avait parlé de les clips de l'été. Vous vous rappelez, on avait fait une revue des clips de l'été. On avait des classements Spotify, des Spotify. Voilà, des téléchargements. Du rap des nègres. C'était que du rap et que des nègres. Et quand c'était pas ça, c'était de la musique latino chantée par des nègres. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'américanisation de la jeunesse blanche, c'est-à-dire sa judéo-négrification mentale, elle est très avancée déjà. Donc, et depuis longtemps. Depuis longtemps, oui, c'est certain. De toute façon, depuis 1945, hein, bon, si on commence. Oui, mais si on veut, excuse-moi de t'interrompre, toute petite parenthèse, si l'on veut remonter à maintenant, je dirais 10, peut-être un peu plus, entre 10 et 15 ans, qu'est-ce qu'on voit ? On en a déjà parlé. Dans le cinéma, à la télévision, on vous fout des acteurs nègres dans des rôles de blancs. On modifie de ce fait le souvenir des blancs et leur mémoire historique. Et tout ça, ça prend place, à mon avis, dans cette situation où, un jour, ceux qui l'organisent savent que ces petites choses, entre guillemets, auront pris place dans les esprits. Et que ça va désarmer l'ennemi, c'est-à-dire le blanc. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais ajouter deux choses qui sont pour moi significatives. Dans la manifestation de Paris, il y a un politique qui vient, qui fout son cul, je ne sais sur quoi, pour dominer la foule, qui fait un discours, qui promet des tas de choses, et c'est un député de la France insoumise, dont le nom m'a été rappelé il y a une heure, mais désolé, j'ai oublié. Si quelqu'un s'en souvient. C'est Coquerel ? C'est ça, ouais. Ouais, c'était bon. Coquerel, ouais. Bah, lui, il a l'habitude, parce que c'est lui qui avait aussi organisé une énième occupation de la basilique de Saint-Denis par des nègres agressifs. Hein. Exactement. Et donc, c'est un putain de gauchiste. En Belgique, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai parlé de la manifestation Black Lives Matter Belgium. Qu'est-ce qu'on voit sur le flyer, le poster pour appeler les Noirs à manifester ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un point serré levé. Quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre parmi nous que c'était en rappel des Jeux Olympiques avec les Black Panthers. Je ne sais pas si certains de vous connaissent ça, qui avaient levé le point. Mmh. Je rappelle aussi que le point levé, c'est le signe de ralliement des communistes. Hein. Bien sûr. Très longtemps. Alors, tout ça, c'est, il n'y a rien à faire. Il y a des complices, il y a une organisation, il y a un contrôle des esprits qui se met en place par la presse. C'est pour ça que je crois qu'il ne faudra pas attendre 10 ans. Bah ouais, c'est certain. Et là, j'ai Onis sec. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur un point en particulier dans tout ce qui se passe? Donc, en plus des scènes de violence qu'on voit, est-ce qu'il y a un... J'ai quelque chose qui peut être intéressant pour... Bah, oui, Derek, vas-y. Oui, non, juste une scène que j'ai vue de nègre qui était piégé dans le traîneau de semi-remorque. J'ai trouvé ça particulièrement poétique. Voilà, ça m'a fait rigoler. Je tenais à le faire partager. Oui, il y a quelques nègres qui... il y a un nègre, c'était à Lafayetteville, qui a essayé d'incendier un genre de... un monument historique, enfin un bâtiment historique. Et le nègre ne comprenait pas en fait qu'un cocktail Molotov ramassé au sol pour le relancer pouvait fuir. Alors oui. Et donc notre ami nègre s'est transformé en torche humaine. C'était assez cocasse aussi. Enfin humaine, c'est pas ça. Oui. Un charme trop d'honneur. Simiesque. Une torche simiesque. Torche quadrumane. Alors comment dire, pour parler de taches d'huile. On a un boxeur français, Tony Yoka, qui a tenu à faire part de son sentiment, c'était sur Twitter. Donc il dit, je vous donne ça, donc c'était un doigt d'honneur. Putain, soit c'est tous ensemble, soit supprime-moi, je suis pas ton poteau. Bon. Ah bah oui, d'accord. Okay, et alors voici ce qu'il cite comme message. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ça fait des siècles que l'on se retrouve dans cette situation. Il faut connaître notre histoire. Nous étions des pharaons, des rois. Notre histoire n'a pas commencé avec l'esclavage. Pourquoi tu filmes ? Je sais que c'est facile de dire ça, etc. Blablabla. Donc là, il cite un type, un nègre, qui pense que ses ancêtres étaient des pharaons. Ils en sont là. Ah non, les pyramides volantes... Ah oui, non, mais alors c'est un métis franco-nègre. Oui, c'est un nègre. Français, du coup. Oui, c'est un nègre. Qui appartient-il à l'action française, je pose la question. Peut-être. Hein, comme, les nègres sont appelés à être des patriotes français. Est-il à la France libre de Golnadel, question, comme Carteron. Ouais, je pense qu'il est un petit peu trop blanc encore. Il est trop métis. Ah ouais. Mais ouais, ce nègre avait été, je crois qu'il a été médaille d'or aux Jeux Olympiques et puis après il avait été pris dans la main dans le pot de confiture. Pas, la drogue. Pas vraiment dans le pot de confiture comme notre nègre particulièrement sympathique. Oui. Voilà. Mais il a été convaincu de dopage, je crois. Enfin, en tout cas, il n'était pas. Un nègre qui triche, c'est rare. Oui, bon, après, moi, le dopage dans le sport, ça me gêne pas vraiment. Hein, mais bon, ce nègre a tellement été con qu'il a fait les choses de telle manière à se faire attraper. Bon, bref. Voilà, c'est un nègre. Donc, il se prend pour un pharaon. Bon, pourquoi pas si tu veux, singe. Si tu veux. Est-ce que vous... Peut-être, tiens, allez, on va finir là-dessus. Comment vous voyez les choses évoluer? Comment vous voyez ces émeutes évoluer? Bon, là, c'est un peu de la prédiction. Oui, non, aux États-Unis. Ouais. Je pense pas que ça aille vers autant de morts que dans les années 90. Ça va soit s'essouffler de soi-même, soit il va y avoir des arbitrages à droite à gauche, mais. On n'aura pas des trucs aussi rigolos qu'en 90. Quoi. Ah, écoute, je suis pas sûr. Malheureusement, je pense pas qu'il n'y ait d'impact sur la démographie des nègres. Ah non, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense que ce sera très, très, très violent. Très violent. Ouais, peut-être, ça va peut-être durer encore. Ils ont essayé de pénétrer dans la Maison Blanche à plusieurs reprises. Hein. Je veux dire, bon, ils y sont pas parvenus, etc. Mais. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de nègres tués encore par les flics, parce que bon là pour le coup les nègres sont en pleine chimpanzerie extériorisée. C'est le grand chimp out. Il est possible qu'il y ait une ou deux créatures démoniaques qui soient tuées par des flics dans les semaines à venir. Bon, peut-être que ces trucs-là feront écho, mais on a quand même changé d'époque, quoi. Même si les nègres font les nègres à piller partout, les flics, on a vu une vidéo des flics, un flic qui se faisait taper dessus par une grosse négresse. Le blanc hésitait à riposter, et ça a dû être le flic nègre qui foutait une énorme mandale à la négresse pour la calmer, quoi. Les rapports sont vraiment tendus, quoi. Même si l'Amérique reste l'Amérique, et que bon, quand tu fais chier, on te calme. Pas cool. On te calme moins qu'avant, quand même. Pas cool. Mais tu as déjà un gouverneur qui a autorisé la garde nationale à intervenir. Bon, généralement, quand la garde nationale intervient, il suffit de voir la Nouvelle-Orléans, c'est quand même un petit peu plus jouissif. Hein. Ça dégage au shotgun dans les rues, c'est plus sportif quand même. Espérons. J'aimerais bien dire une chose ou deux. La première, je ne sais pas si ce n'est pas confirmé, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, le policier noir qui a flanqué une manchette à la négresse qui frappait le blanc aurait été arrêté. Ça, c'est un. Deuxièmement, aux États-Unis, comme ailleurs, mais disons aux États-Unis, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que des policiers descendent des nègres. Je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent descendre des nègres pour provoquer l'accident avec un grand A. Ça, j'en suis certain. L'avenir nous le dira, on verra bien, mais il y a déjà eu tellement de coups tordus dans ce pays pour influencer son histoire propre que plus rien, personnellement, rien ne m'étonnerait. Alors le maire de Minneapolis, ce qui est marrant, c'est un juif ukrainien, donc ça nous rappelle Maïdan, a déclaré que l'alt-right instrumentalisait les violences des nègres et qu'il était possible que ces émeutes soient provoquées par des puissances étrangères. Alors évidemment, je pense qu'il parle plus de la Russie que... que du Canada. Le complot blanc mondial, si tu veux. Mais oui, le complot blanc. Enfin, je veux dire, non, mais c'est fascinant. L'histoire de tout ça, c'est quand même du complotisme. Hein. À la base, le racisme institutionnel et invisible, Black Lives Matter et compagnie, c'est du pur complotisme. Tout à fait. Oui, alors c'est important de souligner que le maire de Minneapolis est d'origine juive. Il est juif. Il est juif. Et que ce mec-là a donné l'ordre à la police de ne pas intervenir, c'est-à-dire de laisser les nègres tout détruire. Donc, quand je dis que c'est une conspiration, là, c'est pas du complotisme, c'est une conspiration. Hein. Donc, vous déplacez des antifas, vous les faites voyager, vous les faites venir de milliers de kilomètres, vous les faites intervenir dans une ville, vous donnez à la police l'ordre de ne pas intervenir, vous laissez les nègres tout cramer, les autres nègres disent on a carte blanche, on crame tout, etc. On est dans une campagne organisée et ça part d'une ville qui est tenue par un juif. Voilà, et je rappelle aussi que la manifestation de Charlotteville en 2016, vous en rappelez, qui a été l'excuse pour lancer la traque, pour commencer la traque à l'opposition blanche en fait. Hein. Était administré par un maire juif. Ça passe toujours aux États-Unis par des villes qui sont contrôlées par les Youtres. C'est un complot juif. D'autant plus que ça risque d'être plus lourd qu'on ne le pense. J'ai vu sur Twitter ou Facebook, je ne me rappelle plus, une ville appelée Santa Cruz, c'est comme ça, où le maire et le chef de la police, un peu à l'image de ce que tu expliquais tout à l'heure, Gandalf, avec la manifestation où les flics participaient avec les manifestants, mettre un genou en terre devant la foule, un petit peu à la façon de du nègre, j'ai oublié son nom, qui protestait contre le Trump au NBA, là, au football américain. Tu vois ce que je veux dire, le fait de mettre un genou en terre. Oui, je me rappelle très bien de ce mec-là. Ouais, sauf qu'il était payé des millions et des millions de dollars pour jouer au foot. Ouais, non, pour ne pas jouer au foot par Nike. Voilà, c'est Colin Kaepernick. Mais si des autorités de police et politiques commencent à jouer ce jeu-là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de plus profond qui est en place. Tout à fait, tout à fait. Et ça commence à puer parce que, en fait, je vois un article ici où on nous annonce que sur Washington, on a l'armée qui se déploie dans Washington. Ah bah fatalement, non mais ils sont... Non mais même c'était déjà hier. Hier, les militaires commençaient à être déployés dans la ville de Washington, fatalement. Alors justement, peut-être que pour conclure, je tiens quand même à souligner l'information qui est tombée ce soir, hein. Trump a déclaré qu'il allait classer terroriste, organisation terroriste, les Antifa. Voilà enfin une bonne nouvelle. Il était Alléluia. En... C'est le premier État occidental qui décrète enfin, enfin qui va décréter que les Antifa, donc organisation révolutionnaire judéo-communiste, est une organisation terroriste. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'on les subit en France. C'est la milice du pouvoir en France. Il n'y a pas un événement que l'État a pas voulu, un événement nationaliste ou identitaire que l'État a pas voulu foutre en l'air qui n'ait été troublé par des antifas. Je veux dire, ces gens-là sont les tapins des juifs. Les tapins des juifs. Et quand je dis qu'il y a véritablement des coups montés, tout à l'heure j'ai laissé entendre qu'il n'y a pas besoin de policiers pour abattre quelques noirs pour mettre le feu au pays. Je ne sais pas si vous avez vu. CNN, qui est l'anti-Trump, le média anti-Trump par excellence, a été attaqué. Et directement, des gens relativement connus, je ne saurais pas où sortir les noms maintenant comme ça, ont accusé l'alt-right, donc l'extrême droite, de s'en prendre à CNN. Or, les photographies et les vidéos montrent que d'abord, on ne voit pas de blanc, sauf peut-être un perdu. Mais par contre, il y a des drapeaux mexicains et des fanions Black Lives Matter en masse. Alors, en tout cas, cette déclaration de Trump, si jamais il... je pense qu'il va le faire, c'est une déclaration officielle sur Twitter, donc je pense que ça va être fait. De toute façon, c'est dans ses compétences, hein. Ça tombe sous ses prérogatives. S'il le décrète, les antifas organisations terroristes, vous imaginez que ça fait quand même considérablement monter la pression. Parce que du coup, toutes les agences gouvernementales sont censées organiser la traque des antifas, n'est-ce pas? Parce qu'aux États-Unis, ça rigole pas. Hein. Quand vous êtes décrété organisation terroriste, c'est pas pour de la blague. Hein. D'accord? Typiquement, des organisations comme Al-Qaïda sont considérées comme organisations terroristes. D'accord? Donc là, vous subissez le plein poids des agences gouvernementales. Alors bien sûr, vous allez me dire, il peut y avoir du sabotage interne. Il peut y avoir des gens qui, bossant pour le Parti démocrate, refusent de bouger, etc. D'accord? Mais ça va quand même faire vachement monter la pression. Et surtout, ça donne un exemple. Parce que c'est ce que nous, on aurait voulu faire. On aurait rêvé de pouvoir décréter les antifas organisations terroristes, ce qu'ils sont, hein, mais de pouvoir les décréter. Parce que ça fait des années qu'ils harcèlent les gens, qu'ils saccagent, qu'ils agressent, qu'ils blessent en toute impunité. Ça, c'est la réalité en France. C'est la réalité dans d'autres pays. Et il n'y a jamais Gandalf. Eu... Ouais. Excuse-moi de t'arrêter, mais... Si jamais Trump arrive à son but, c'est-à-dire que les antifas sont organisations terroristes, n'oublie pas que pour les États-Unis, les frontières n'existent absolument plus. Ah mais totalement. J'aime autant te dire que s'il dépose son projet de loi, enfin si son projet de loi passe lundi, mardi, je suis à l'ambassade des États-Unis avec une très longue liste de noms, d'adresses, de numéros de téléphone. Et j'aime autant te dire qu'en France, en Belgique et ailleurs, t'as des gars qui vont commencer à très mal dormir. Alors, je suis totalement... je suis preneur de ça. Comment dire ce que j'invite, parce qu'on a un forum très dynamique, et participatif, j'invite nos gens à faire des listes d'antifa avérées, hein. oui avérées, hein, attention, pas des ondits, des trucs, hein, avec des photographies et des drapeaux antifa, des enregistrements de pages Facebook via archive.org, hein, donc des trucs totalement verrouillés. Totalement. Où on peut voir des gens identifiés comme étant participants de ça. Alors petit bémol, ce que vous pouvez dire, Ça fait plusieurs années que la LDJ est classée comme organisation terroriste aux États-Unis. Meir Habib est député français. Oui, non, mais d'accord. Mais ouais. C'est pas la question. Je vais préciser un non, truc. Mais bon, voilà, les répercussions internationales ne sont pas forcément ce qu'on Oui, mais, bon, mais attends, laisse-moi clarifier les choses. Comment dirais-je, le mouvement antifasciste est un mouvement international. La Ligue de défense juive n'existe que là où il y a des juifs, donc ça concerne trois pays. Et encore, elle est interdite en Israël. Bon. Donc ça c'est d'une. Deuxièmement, on sait très bien que les Américains ne vont pas intervenir en France. C'est pas la question. La question, c'est que ces gens-là vont se retrouver, grâce à nos gens très, très dynamiques, très entreprenants, vont se retrouver dans des fichiers des agences gouvernementales américaines, comme appartenant à une organisation terroriste. Ça pourra leur jouer des tours, un de ces quatre. Ça pourra leur jouer un des tours, un de ces quatre. Cela dit, d'après Xavier Hofer, donc le criminologue le plus connu, et normalement un des meilleurs, en France du moins, il a dit que la police française possédait l'identité de tous les cadres antifa. Mais bien sûr. De France. Ils savent très bien qui ils sont. Mais bien sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est est-ce que l'ambassade vous demanderait qui sont ces gens-là. Mais bon, je pense qu'évidemment, ils vont se concentrer sur les gens qui ont foutu les pieds sur le territoire. Alors, par contre, si jamais ils ne sont pas eux-mêmes. Ce qui est certain et ce qui est avéré, parce qu'on le sait depuis 2015, c'est que des activistes antifa européens vont aux États-Unis aider les groupes locaux à s'organiser, fort de leur expérience. Donc, l'administration Trump, qui décide de classer terroriste le mouvement antifa, sera forcément intéressée de connaître les blases des Européens qui appartiennent à ce mouvement et qui peuvent se retrouver dans des avions à destination des États-Unis parce qu'ils peuvent leur barrer l'entrée. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est utile. Mais ils vont pas, Gandalf, ils vont pas leur barrer l'entrée, au contraire. Ils vont les laisser rentrer. Parce que le problème, c'est que s'ils leur barrent l'entrée, ils ne commettront pas un délit sur le territoire américain. Donc en fait, quelque part, il pourra pas y avoir de poursuite, il pourra pas y avoir d'instruction, ils pourront pas gratter plus loin. Par contre, s'ils les laissent rentrer, que les gars font leur petite merde, qu'ils les chopent, déjà, faut savoir une chose, c'est que si t'es français et que t'as des emmerdements avec la justice américaine, soit t'as un compte en banque en béton précontraint pour avoir les meilleurs avocats, ou alors tu vas croupir dans des tôles qui sont passablement pas véritablement fréquentables pendant très longtemps. Mais le grand avantage, c'est qu'ils seront, comment dire, en tôle aux États-Unis avec des blacks et des chicanos. Ils vont vraiment s'amuser, les mecs. Hein. Ouais, c'est leur clientèle. Hein. Non, mais vraiment, donc là, vraiment, là, la donne politique change, parce que quand une grande puissance comme les États-Unis décrète les Antifa comme une organisation terroriste, ça a des implications très réelles. C'est pas de la théorie, quoi. Hein. Alors, on va voir comment tout ça va évoluer, mais je dis tout de suite à nos gens, faites des listes d'antifa. Faites des listes, les noms, les photos, les documents, hein, voilà, et fort de cette liste, ensuite, ça sera transmis à qui de droit. Voilà, c'est tout. Parce que, je vous le dis, c'est quand, grâce à ce mouvement, Trump polarise davantage la situation et la clarifie du même coup, et on a, du coup, ça force les gens à prendre position. Voilà. Et je suis désolé, Trump, moi je suis critique sur ce qu'il a fait, notamment face à l'Iran, je pense que c'était une mauvaise idée, mais il y a d'autres sujets aussi, je pense qu'il a été mal conseillé. Sur cette décision-là, c'est une excellente décision. Les antifas sont des terroristes. Et doivent être traités comme des terroristes. Au même titre que les djihadistes. Ce sont... Alors, les djihadistes sont quand même un peu plus dangereux. Hein. Mais les antifas sont des terroristes et ils doivent être traités comme tels. Voilà, donc, au boulot. Au boulot. Alors, ce qu'ils veulent très clairement, c'est la révolution. Et, enfin, moi, je... Alors, la révolution, selon les antifas, bon... On se demande quel type de société ils veulent mettre en place. Mais... voir un Mélenchon qui se fend de tweets absolument grotesques en ce moment. Imaginez, en fait, c'est la jonction entre les Adama Traoré en France et les Gilets jaunes. Et ça arrivera. C'est-à-dire, il y a très très peu de chances que ça arrive. Donc je pense que ces Blancs, en fait, vont être assez isolés. Ils vont peut-être avoir un petit peu de soutien dans les milieux universitaires gauchistes de la part de quelques boutonneux. Mais je pense qu'ils vont être quand même facilement isolés. Ils vont jouir de, comme je te dis, de soutien de certaines chaînes, de certains politiques. Mais globalement, je pense que les masses blanches, surtout aux États-Unis, elles vont quand même se ranger du côté Trump. Hein. Faut arrêter de rêver. Même si elles sont pas forcément d'accord sur les violences policières, même si elles vont dire au repas de famille, oui, c'est de la violence, c'est pas bien. Même si elles vont même parfois se fendre de quelques déclarations antiracistes. Faut pas rêver, jamais de la vie elles vont se mettre du côté de ces antifas. Jamais. Bien sûr. Ouais, bien sûr, non, mais les blancs, de toute manière, votent en majorité. Les hommes blancs votent à plus de 60% pour Trump. Alors les femmes blanches, c'est beaucoup moins le cas, par contre. Non, c'est un peu moins le cas. C'est pas non plus de l'ordre de la moitié moins. Hein. C'est moins. Mais c'est quand même beaucoup moins. Et bon, par contre, ce qui est latino, nègre, etc., ça vote. Ah oui, non, là, c'est démocrate. Les nègres, ça vote à gauche. C'est du genre. Ouais, les nègres, c'est genre à 90%. Heureusement, ils votent pas beaucoup. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas beaucoup de participation en général. Bah, en fait, ils votent démocrate, mais pas démocrate à la Clinton, pro-LGBT et compagnie. Et en fait, on est en train de voir arriver une nouvelle génération de démocrates qui sont des candidats vraiment issus des minorités, qui remettent en question le progressisme juif blanc. C'est ça qui est assez rigolo. Ouais, qui sont dans le djihadisme. Je voudrais apporter une petite précision, enfin une petite nouvelle, à propos de ce que j'ai dit plus tôt dans l'émission. Je vois ici que Utrecht News, qui est un journal flamand, annonce que la manifestation Black Lives Matter de demain n'aura pas lieu en raison de la violation des mesures corona. Ah. Intéressant, ça. Là, il y a... oui, enfin, les nègres qui ont manifesté à Paris, c'était quand samedi. Ouais. Bon, ils ont un petit peu, contrevenu aux règles sanitaires. Oui, ils s'en foutent. Alors là, pour le coup, la distanciation sociale a remplacé d'ailleurs par la distanciation raciale, à mon sens. Mais, je veux dire, oui. C'est plus très impliqué, là. Hein. Là, on peut y aller. Hein, alors, notre... J'en profite pour noter que ces merdes, ces déchets humains que sont les forces de l'ordre, qui prenaient des hélicoptères pour traquer des gens en VTT dans les campagnes, n'ont rien fait pour arrêter un demi-nègre, hein, même pas un demi-nègre, clandestin qui plus est, donc c'est-à-dire en situation irrégulière illégale, sur le territoire. Ouais. Mmh. Ils n'ont rien fait, c'était filmé, documenté, c'était... Oui, ça bouge pas, hein. il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. Ça n'a pas bougé. Donc, les forces de l'ordre, les forces du désordre, les forces de Sauron, toujours au rendez-vous, on n'est pas surpris, voilà, vous êtes des merdes, vous pétez des yeux... Des blancs, vous faites les carpettes devant les arabes et vous tournez le dos devant les nègres. Vous êtes des merdes. Bon, bah le message est passé. Bon, messieurs, on va suivre tout ça de très près. Je suis convaincu que l'actualité raciale sera au rendez-vous cette semaine et même en fait cet été. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Salut. À la semaine prochaine.